écoutez Vivacité, il est 14h. Le journal est présenté par Marianne Brillot. Les syndicats des chemins de fer disent vouloir limiter les conséquences des grèves de janvier sur les examens des étudiants. Ils posposent trois dates, celle des 21, 22, 23 janvier. Mais les deux autres dates restent bien maintenues, les dates du 6 et 7 janvier. Et il y a des examens ces deux jours-là. Le Front commun syndical se réunira début de semaine prochaine pour évaluer la dernière proposition du gouvernement, le fédéral, qui demande la suspension des préavis avant d'envoyer des conciliateurs sociaux pour gérer le conflit à la SNCB. Il est toujours question notamment de l'augmentation de la productivité des agents. Cette action syndicale menée par la CNE et le CEDCA devant le siège liégeois de la banque BNP Paribas, action pour sensibiliser les employés après le versement d'un dividende exceptionnel de 2 milliards d'euros de la banque belge vers sa maison mère française. Des bouteilles d'eau ont été distribuées symboliquement au personnel pour faire passer la pilule. 2 milliards de dividendes alors que plus d'un millier de postes vont disparaître chez BNP Paribas. Les traductions bon marché menacent la justice. L'Union professionnelle des traducteurs et interprètes assermentés tire la sonnette d'alarme. C'est elle qui le dit, la mauvaise qualité des traductions pose de plus en plus de problèmes dans les dossiers criminels importants traités par la justice. Hier, le procès de Bernard Westphal devant les assises, ce procès a été reporté de plus de 6 mois à la suite d'un problème lié à la traduction de certaines pièces du dossier. L'Union professionnelle demande que le gouvernement fédéral double voire triple l'enveloppe budgétaire des traducteurs et interprètes jusqu'à 40 ou 60 millions d'euros. C'est une conséquence de la météo exceptionnelle et de la douceur des températures que nous connaissons pour un mois de décembre. Depuis le début du mois, les familles ont consommé un quart de gaz naturel en moins qu'à la même période l'année dernière. Et puis c'est un faux service avec une nouvelle baisse du prix de l'essence demain à la pompe. Plus de 2 centimes et demi d'euros de diminution. Un mot de la météo avec de belles éclaircies cet après-midi et toujours beaucoup de douceur, de 9 à 13 degrés. Et on repart pour le cube à Charleroi. Et on retrouve Pierre Collard-Bovy pour un point RTBF Mobile Info. Bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Bah ça va, j'ai une voix du matin à 7h06, c'est un peu particulier, mais ça va, je viens de me réveiller. Mais on voit le bout du tunnel arriver quand même. Oui, dans 5h11 minutes et 30 secondes. Pour la bonne cause, comme on dit. Bien, de toute façon, on appelle à la prudence, puisqu'on signale la présence d'un piéton sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Vilvoorde, c'est en direction de Zaventem. Accident impliquant un camion sur le ring 9 de Charleroi à hauteur de la Porte de France. Le passage s'est fait uniquement via la bande de gauche au kilomètre 2. Bon, il y a quelques ralentissements, bien évidemment. Accident sur la 12 envers Bruxelles autour de Wilrijk. Les bandes de droite et l'arrêt d'urgence sont neutralisés en direction de Bruxelles. Et enfin, toujours cette perte d'huile sur le 19 envers Bruxelles à hauteur de Malines Sud. La bande de droite est glissante entre les kilomètres 14.3 et 13.6 en direction de Bruxelles. Le nettoyage est en cours. Les bouchons, faut que ça saute. Venez faire le plein de champagne chez Intermarché. On fait pétiller les promos. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre portefeuille, c'est d'acheter vos cadeaux chez Cora. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Viva for life. Viva for life. De 14h à 18h avec Cyril. Et c'est parti, dernière ligne droite de ce cube de verre, dernière ligne droite pour faire vos dons aussi. Il reste 5h10 minutes et 6 secondes. Tout à l'heure, c'est Zazie qui viendra nous libérer de ce cube et Zazie qui sera en choquée sur la place de la digue ce soir. On compte sur vous pour être là et pour être là aussi cet après-midi. 0800 30 007. C'est peut-être le moyen le plus facile pour faire votre don où que vous soyez. Vous vous mettez sur le côté si vous êtes en voiture, vous prenez quelques secondes pour passer ce coup de téléphone. Si vous êtes à la maison, si vous êtes au travail, ben voilà, vous arrêtez un petit instant et vous appelez pour soutenir ces 80 000 enfants qui vivent dans la pauvreté à Bruxelles et en Wallonie. C'est beaucoup trop d'enfants qui n'ont pas une vie normale. Ils n'ont pas choisi forcément d'être dans cette situation et on espère vraiment de tout cœur qu'avec vous, on va pouvoir faire en sorte qu'ils aient un avenir meilleur, qu'ils connaissent mieux que ce qu'ils ont depuis la naissance. Grâce à vous, on peut le faire. Autre moyen de faire vos dons, c'est le site internet vivaforlife.be et que ce soit par téléphone ou par internet, vous pouvez choisir de la musique, par exemple Jennifer. serait sympa, c'est un petit Jennifer dans cette heure-ci. À vous de faire en sorte qu'on l'écoute. 0800 30 007 via forlife.be. On va faire une autre de la star. Je vais vous passer un extrait d'une autre. C'est Nolwenn Leroy. Elle avait gagné aussi. Vous êtes peut-être plutôt Cranberries. C'est possible aussi, hein, vous nous appelez. Pour choisir la musique, 0800 30 007. On vous attend, toute l'équipe du call center Enalo. On ira prendre la température tout à l'heure. Et là, il faut que les lignes sonnent. Il faut qu'en fait cette équipe soit épuisée à la fin de la journée et qu'il n'ait pas eu une seconde à eux grâce à vous. 0800 30 007, on compte sur vous. Il y a le SMS aussi pour faire vos dons. Vous envoyez simplement un petit message au 4001. Vous envoyez votre numéro de compte, un espace et le montant que vous avez envie de donner à Via for Life. Il y a le compte bancaire aussi, BE 35 8 x 0 37 37. Autre idée de musique. Ah, ça, ça fait longtemps. Anastasia, I'm out of love. Ça ferait plaisir de l'entendre en entier. Bah, appelez-nous. Ou alors, si vous êtes dans un esprit de délire cet après-midi. Go Fossuc, pour le demander, vous appelez le call center 0800 30 007. Et comme le numéro termine par 007, tout à l'heure, nous allons lancer une mission à cette équipe du call center. Je vous en dis pas plus. Restez bien avec nous. Pendant ce temps-là, on écoute Maria. On écoute le morceau choisi par Maria, Alexandra, Papounet et le frère Julien. Ils sont de Lessine. Ils donnent 40 euros. Et ils ont décidé d'écouter Fox the Fox, Precious Little Diamond. Et il y a un message qui va avec, parce que tout enfant est comme un précieux diamant, rend le sourire quand il brille. Pour vous aussi, charmante équipe, continuez, nous sommes émus. Merci à vous de faire vos dons, merci pour tous vos messages. 0800 30 007, c'est ce que vous devez retenir pour les 5 prochaines heures. Faites vos dons, on compte sur vous. Viva for Life. We'll be right back. The Fox à l'instant dans Viva for Life sur Vivacité. Vous continuez à faire vos dons plus que jamais, on a besoin de vous. 0800 30 007. Et vous savez qu'on a un parrain qui nous a enfermés, on a une marraine qui vient nous libérer tout à l'heure. Ils ont quelque chose à vous dire, donc concentrez-vous deux secondes, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, écoutez parrain marraine, c'est important le message qu'ils ont pour vous. Je vais vous expliquer comment faire un don. Alors il y a plusieurs possibilités. La première, par téléphone, 0800 30 00 07. Deuxième possibilité, par internet, vous pouvez faire un don et partager votre musique sur www.vivaforlife.be. Sinon, par SMS, au 4001, vous tapez votre numéro de compte suivi d'un espace, suivi du montant de votre don. On compte sur vous. Les enfants, plus que jamais, ont besoin de vous. On peut toujours dire qu'on ne savait pas, mais là, quand on voit les images, on sait. Donc, si on peut, il faut aider. Merci. Merci, parrain marraine, pour ce message. Et Julie, elle a entendu ce message. Bonjour, Julie. Oui, bonjour. Vous nous bonjour, appelez d'où ? Bonjour tout le monde. De Couvain. De Couvain, soyez la bienvenue cet après-midi. Qu'est-ce que vous faites de beau ? Eh bien, écoutez, pas grand-chose. Je vous écoute. Mes enfants font la sieste. Et puis... Voilà, je fais un don, c'est normal, il est temps, c'est presque fini, donc... Vous avez raison de dire que c'est presque fini, parce que attention, il y a des gens qui ont tendance à toujours reporter tout ce qu'ils peuvent faire. J'en fais partie, en se disant bah, je vais faire demain. Mais sauf que demain on n'est plus là, demain c'est terminé. Voilà. Et par contre demain il y a toujours 80 000 enfants qui seront en galère. Donc si vous pouvez vous bouger là cet après-midi, si vous n'avez pas encore fait, si vous comptez le faire et que vous reportez à chaque fois, bah, c'est maintenant hein, ou jamais. 0800 30 00 07. Julie, vous avez donné combien? 50 euros. Ben c'est génial, voilà. 50 euros. Merci Julie. Voilà, 50 euros, c'est déjà pas mal. Et j'espère que les Couvinoises et les Couvinois, en tout cas, vont m'entendre. Et allons-y, c'est pas, on peut pas concevoir une chose pareille. Et ça fait très mal au cœur. J'ai deux petits bouts. Et, ils ont quel voilà, âge vos enfants? Alors, 3 ans et 1 an et demi. Et c'est quoi les prénoms? Alexis et Lisa. Mais ça va, tout va bien pour eux? Ah, ben oui, oui, oui, voilà. Je pense qu'on a de la chance. Donc, il faut qu'on essaye de. D'améliorer le quotidien des autres, donc voilà. Mais vous le dites, justement. Vos enfants ont de la chance et puis il y en a qui n'en ont pas et c'est pour ça qu'on se mobilise. Voilà. C'est pour ça qu'avec vous Julie et puis tous les auditeurs, tous les internautes qui nous suivent aussi, bah, on va faire bouger les choses ce soir, on va découvrir je l'espère un beau montant à la sortie et vous y aurez contribué, c'est génial Julie. Mais voilà. Vous avez demandé d'écouter... Oui, bah, merci à vous aussi, bel après-midi. Et vous avez demandé d'écouter quelle chanson Julie? Alors Alison the Roof. Ouais. Comme Easy Go, donc je crois que voilà, c'est facile, on fait un don et voilà, et on écoute Alice, c'est très bien. On me dit que vous étiez là hier soir sur la place de la Digue. Malheureusement pas, non. Alors, bah, vous n'étiez pas là, mais par contre Alice on the Roof était sur la scène. Ah oui, elle était là, mais je sais qu'on va l'accueillir à Couvain très prochainement à l'occasion de la patinoire, donc on a une patinoire ici sur notre place. D'accord. Et, elle va venir chez nous, donc ah bah, c'est super sympa ça. Je ferai un saut, mais j'aimerais venir vous voir, mais l'année prochaine, on verra. Eh ben, je vous fais en tout cas des gros bisous et merci à tous ceux qui étaient là hier. Vous savez qu'il y avait plus de 5000 personnes hier pour voir Loïc Notet et Alice on the Roof, c'était juste énorme. Il y avait une ambiance de dingue. Je vous fais des bisous Julie, on écoute Alice on the Roof, c'est même la version live qui avait été enregistrée dans les studios de Pure FM. C'est pour vous, c'est cadeau. Des bisous. Merci Julie, à bientôt. Et faites comme elle, 0830 007, il n'est pas trop tard, vous pouvez encore faire votre don cet après-midi. It's getting tight. I've got nothing to hide. I take it all on board. I've gotta crack the code. Everything coincides. Heavy are these skies. I wanna make a vow to make this right somehow. It's killing you inside. Fighting. I'm sinking like a star. Easy come, easy go. I gave you all I had. A fool could tell you that. Been hiding up below. Easy come, easy go. Ooh. Super sympa, Alice on the Roof qu'on vient d'écouter. Elle était ici hier soir, les meilleurs moments à revoir sur viva4life.be. Easy come, easy go. Continue à faire vos dons, 0830 007. Vous aussi, vous devez vous éveiller. Parce que quand Jacques Dutronc nous dit qu'il est 5h, il y a moins de 5h. Maintenant, on a passé les 5h il y a un instant, 4h55 minutes et 45 secondes. C'est le temps qu'il vous reste pour faire vos dons. 0830 007, il est absolument temps de vous mobiliser si vous ne l'avez pas encore fait. Vous appelez, vous choisissez la musique que vous avez envie de partager. Dépêchez-vous pour qu'on puisse passer votre morceau avant la fin de cette émission. Par exemple, Daniel Balavoine, dans un instant, Mon fils, ma bataille, c'est Bruno qui nous a demandé d'écouter ça. Bruno, il a donné 100€ pour écouter cette chanson. Merci Bruno. Il nous dit à chaque fois que nous arrivons en retard lors d'un match, nous versons la somme de 2€ dans une cagnotte et nous avons la chance de ne pas vivre dans la précarité et de pratiquer notre sport favori. Bah, nous avons donc décidé de verser la somme de 100€. C'est super sympa Bruno. On écoute votre chanson juste après ça. Viva for Life avec nos partenaires. Qualibi pense à tous les enfants et soutient Viva for Life. Red Market, vos courses moins chères, rapides et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. Enrico Macias et les 500 choristes. Concert exceptionnel à la Grande Église de Banneux Notre-Dame, dimanche 24 janvier. Retrouvez Enrico Macias, cet artisan de la paix, dans une ambiance très familiale, accompagné par 500 choristes. Un beau cadeau à offrir pour les fêtes, avec Beobank Fleron Herve Pepinster. Info solmania.be. Un repas de fête 100% bio? Oui, c'est possible, grâce à Biofagne. Biofagne. Votre supermarché bio à Neupré et à Teux. Biofagne.be. Je sais pas ce que je pourrais offrir pour l'anniversaire de ma femme. Va sur localizy.com, tu y trouveras tous les produits qu'elle aime. Ah oui, ce site avec tous les commerçants de notre région. Oui, et avec toutes leurs offres spéciales et avis de la communauté Localizy. Allez, j'y vais. Le commerce autrement, localizy.com. Vivacité et la Une présente. Le Festival du Cirque Européen fête son 25e anniversaire jusqu'au 3 janvier dans le Parc d'Avrois de Liège. Le plus beau spectacle de cirque traditionnel. Avec cette année, la Reine des Neiges et le clou du spectacle, Vénus des USA, les cascadeurs à moto dans la sphère d'acier. Info 04 222 28 82. Avant, je me trouvais dans un rasoir. Bzzz. Et moi, j'étais dans une radio. Ouh, ouh. Et maintenant, nous sommes relégués au grenier. Au grenier, quoi. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bébat, car Bébat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bébat. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Dans un monde qui change, vos sentiments ont encore plus de valeur. Jusqu'au 15 janvier, soutenez les banques alimentaires en déposant vos centimes rouges et jaunes dans les tirelires présentes dans les agences BNP Paribas Fortis ou Fintro. Aidez-nous à offrir un repas aux plus démunis. Plus d'infos sur centimes.bnpparibasfortis.be. Achetez maintenant une TV Samsung SUHD chez Sélection et recevez 5 ans de garantie et un Samsung Galaxy S6. Sélection, meilleur et pas plus cher. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. Oh, une averse de petit prix. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. La musique a du cœur. Partageons-la avec Cyril. Et avec quelqu'un qui est au téléphone. Allô Bruno, bonjour. Oui, bonjour Cyril. Comment ça va Bruno? Ça va bien, merci. Alors, Bah oui, ça va. Le réveil a été difficile cet après-midi, je vous le cache pas. J'ai démarré cette émission. J'ai vu votre tête, merci, ça fait plaisir. Alors c'est vrai, et je remercie l'équipe maquillage qui a fait du boulot hein, pour la retransmission en télé, parce que sinon il y a des cernes, mais elles vont plus bas que mon visage, pour tout vous dire Bruno. Vous avez fait un magnifique don de 100 euros Bruno, expliquez-nous ce qui s'est passé, c'est vous qui arrivez en retard au foot? Non, ce sont les enfants dont on s'occupe, enfin ce sont des enfants âgés de 10 ans, ouais. Et on joue en interprovinciaux au club de Givry, près de Bastogne. D'accord. Et alors, chaque fois que les enfants arrivent en retard, ils doivent verser 2 euros. Enfin, c'est plutôt les parents, donc ça fait une petite cagnotte. Et hier, j'ai proposé à tous les parents de vous faire le don, en fait, le don de cette petite cagnotte, et qui se chiffre, effectivement, on a arrondi à 100 euros, donc voilà. Bah, c'est super sympa. Pour eux. Est-ce que vous pouvez en profiter pour expliquer pourquoi, d'après vous, c'est hyper important que les enfants aient une activité sportive, puisque vous vous occupez d'enfants qui font du foot? Bah déjà rien que socialement, donc c'est très bien pour eux, et puis ça leur permet de s'épanouir physiquement, de rencontrer d'autres enfants, et aussi de profiter d'un sport, et de rencontrer des idoles, et tout ça. Et pour pouvoir offrir ça à des enfants qui aujourd'hui n'y ont pas accès, on compte sur vous pour faire vos dons. Et là, c'est très beau ce que vous venez de faire avec 100 euros. 0830 007, on a besoin de vous. N'hésitez pas à appeler, prenez quelques secondes dans votre journée pour faire ce petit geste juste avant Noël. Et juste un point, Bruno, ça fait quand même 5 ans de retard sur une saison, c'est beaucoup, non? Oui, mais on a arrondi. Et d'accord, puis, ouais. Pas de problème. Sinon, on va peut-être envoyer des montres aussi à votre club, non? Oui, c'est ça. Ce serait pas mal, hein. C'est bien. Ce sont souvent les mêmes qui cotisent. Merci Bruno. On vous embrasse. Bon après-midi. Ça fait longtemps que t'es parti. Maintenant, je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais là, sali, jugé sur un banc par l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent pour un enfant. Daniel Balavoine, mon fils, ma bataille. 0830 007, c'est le numéro que vous devez absolument composer avant les 4h46 et 51 secondes qu'il reste. Sinon, ce sera trop tard, ce serait dommage. On compte sur vous pour faire exploser le compteur tout à l'heure. 19h20, ce sera la fin de Viva for Life. Entre 18h30 et 19h20, la quotidienne avec Anne-Laure et Adrien. Et on découvrira ensemble le montant que vous avez réussi à récolter tous ensemble en mettant petit à petit des sommes les unes derrière les autres. Il y a possibilité de faire un don par téléphone, de venir ici à la boîte à dons sur place, sur la place de la digue à Charleroi, avec Zazie qui sera en showcase tout à l'heure. Donc faites le déplacement pour voir ça, ça va être énorme. Kid Noise aussi en show juste après tout à l'heure pendant cette émission, à la fin de Viva for Life. Et puis des personnes qui viennent régulièrement remettre des chèques à l'intérieur de ce cube. Et je voudrais qu'on accueille René Collin, ministre wallon de l'agriculture et de la nature, du tourisme et du sport. Bonjour René Collin, installez-vous là tranquillement autour de la table. Bienvenue ici dans ce cube de verre à Charleroi. Prenez un micro qui est juste face à vous. Vous allez bien cet après-midi ? Parfaitement bien. Alors, c'est quel micro ? Vous êtes en pleine forme, bien reposé. Alors, ça, c'est la magie du maquillage, hein, parce qu'en vrai, je ne suis pas reposé du tout. Mais merci d'être là. La cause des enfants, ça vous parle en tant que ministre de l'agriculture, de la nature, du tourisme et du sport ? Évidemment, et puis comme tout citoyen wallon, on doit être solidaire. Du reste, j'ai vu qu'énormément de sportifs s'étaient mobilisés, donc je suis très fier comme ministre des Sports avec énormément de défis. Et puis je suis très fier des agriculteurs wallons, ouais, qui malgré les difficultés qu'ils rencontrent, ont voulu aussi être solidaires et poser des gestes concrets en offrant des produits pour constituer des paniers de produits de terroir qui ont été vendus ici. D'accord. Et puis aussi, il y a eu des distributions, des ventes de lait aromatisé. Ah, c'est bon, j'ai ça. J'ai d'ailleurs avec moi un des producteurs laitiers qui est dans Derlu, Monsieur Bienfait. Bah, bonjour, Monsieur Bienfait. Bah, venez aussi à la table, Monsieur Bienfait. Voilà. Parce que finalement, c'est vous aussi qui avez réalisé cette bonne action. Vous avez vendu quoi comme lait ? Parce que c'est du lait aromatisé à quoi ? Ça me fait rêver d'entendre le mot arôme, parce qu'il faut savoir qu'ici dans le cube, on se limite à de la soupe, à quelques jus de fruits. Et donc, on tourne sur les mêmes arômes pendant toute la semaine. Donc, juste, faites-moi rêver, vous avez vendu du lait à quoi ? Ce sont des yaourts aux fruits. Aux fruits ? Avec quoi, par exemple ? Donc il y a poire, framboise, cerise, tout ce qu'on n'a pas pu manger pendant la semaine. Ananas, pêche, abricot. Oh ben génial. Et tout ça, ça a permis de récolter un chèque de combien, René Collin ? Alors je vais vous le montrer. Vous direz à Sarah d'ailleurs, dont j'ai entendu qu'elle voulait manger des chips lorsqu'elle aura embrassé ses enfants. Il ferait mieux de manger des yaourts, c'est beaucoup mieux. Et ouais, puis, mais on mangera tout à l'heure, je crois. C'est aussi beaucoup mieux pour les agriculteurs wallons, mais c'est surtout meilleur pour la santé. Ah oui, un chèque de 2000 euros de l'agriculture de Wallonie. Des agriculteurs. Merci beaucoup, ça c'est merci génial. J'ai un petit défi pour vous, René Collin. Vous savez que ici dans le cube, non seulement on parle de Viva for Life, on parle des enfants qui sont dans la précarité, mais on essaie de s'amuser aussi. Alors René Collin, vous êtes ministre wallon de la nature, du tourisme, du sport, mais de l'agriculture aussi. Et l'agriculture veut dire animaux. On va se faire un petit test. Je vous donne des noms d'animaux, vous me faites le bruit de l'animal. D'accord ? On va essayer. Alors, on va commencer par exemple avec la vache. Meuh. Très bien. Le coq. C'était un blanc bleu belge, hein, vous avez entendu. Oui, oui, parce que c'est pas la même chose que les autres. Le coq. Cote, cote, cote, cote, cote. C'est pas mal. La chèvre, peut-être ? Le cheval, oui, la chèvre. Bah vous faites très bien le cheval, voilà. Mais le mouton, alors, un petit dernier, le mouton. Bé. Très bien, vous êtes un bon ministre de l'agriculture, vous arrivez à bien faire les animaux. Voilà. Merci beaucoup pour ce chèque de 2000 euros qui va servir à aider les enfants qui sont dans la précarité. Merci, merci à vous. Et merci à toute l'équipe, c'est formidable. Voilà. Et puis surtout à tous les agriculteurs qui se sont mobilisés, c'est vraiment super sympa. Merci à vous. 0830 007, il est grand temps de composer ce numéro de téléphone si vous ne l'avez pas encore fait. Et c'est ce qu'a fait Rachid de Bruxelles. Elle nous a donné 50 euros pour écouter quoi ? Eh ben pour écouter Kenji Girac, et il arrive juste après ça. Et nous retrouvons le Père Noël en direct de son chalet. Oh, c'est presque Noël, j'ai pas fini ma tournée, ça va être ma fête. Vite sur crefel.be, il y a des tas d'idées cadeaux à des super prix. Et si je commande aujourd'hui, les cadeaux seront à temps sous le sapin. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 57 l'appel. Attention, grêle de bonnes affaires. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora.

Sida nous a demandé de passer cette musique en disant musique qui me fait danser, les paroles donnent du baume au cœur. Soyons généreux en cette fin d'année, elle a bien raison. Merci pour votre action, votre bonne humeur, de belles fêtes de fin d'année à tous, animateurs et auditeurs. Et puis tous les donateurs aussi, moi j'ajouterais merci à vous de vous défoncer en fait, hein, pour ces enfants qui vivent dans la précarité. Il suffit de passer un petit coup de téléphone pour faire changer les choses. 0800 30 0 07, on compte sur vous. Et cet argent est utilisé tout au long de l'année par des associations. On a reçu 140 appels à projets. Ça veut dire qu'il est grand temps de se bouger, il est grand temps de d'aider ces associations s'ils nous demandent. Mais c'est que sur le terrain, il y en a besoin. Et on en parle avec Madame Cause Bénédicte qui nous rejoint. Effectivement, et moi j'avais envie de vous parler de l'ASBL Amilpad, qui est une association qui accompagne les enfants de 0 à 3 ans, issus de familles précarisées, dans une démarche de socialisation. L'ASBL propose un lieu de stimulation, de prévention, mais aussi un lieu d'échange entre les enfants et les parents, axé autour du bien-être et des questions de parentalité. Nous avons par téléphone Nancy Capard. Bonjour Nancy. Bonjour à tous les écouteurs, enfin toutes les personnes qui écoutent Vivacité. Et elles sont nombreuses. Nancy, vous avez été aidée par cet ASBL Amilpad, pour quelles raisons ? Oui, en fait moi je suis devenue maman à 45 ans. Mm-hmm. J'étais chômeuse de longue durée à l'époque. Je me suis retrouvée assez isolée, j'avais un peu peur pour mon enfant aussi, vu que les amis, ils avaient déjà des grands ados, et lui, il était un peu seul de son âge. J'habite toujours d'ailleurs la campagne, donc pas vraiment beaucoup de contact avec l'extérieur. Mm-hmm. Et donc c'est grâce à la rencontre avec l'infirmière de l'ONU qui venait à domicile que j'ai découvert Amilpad. Et donc, d'abord, j'y suis allée pour mon fils, pour qu'il puisse se sociabiliser, mm-hmm. avoir un grand espace de jeu, être éveillé à plein de choses. Il y a fait très vite des copains, qu'il voit toujours d'ailleurs, 8 ans plus tard. Mm-hmm. Et par la suite, je me suis rendu compte que ça me faisait un bien fou d'y aller aussi. Parce que moi aussi, j'ai rencontré plein de gens, j'ai repris confiance dans mon rôle de maman, je me suis sentie utile. Par le partage, l'ouverture vers les autres, ça m'a permis de me remettre en question, de donner d'autres valeurs à la vie et de retrouver du dynamisme et de retrouver un emploi par la même occasion. Alors oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'association, vous avez réussi à trouver un emploi et c'est important d'aider à votre tour les autres mamans qui sont dans l'association. Oui, certainement. Donc, à Amilpad, justement, la richesse, c'est la mixité culturelle, sociale. Il y a des enfants avec des handicaps, mais chacun apporte quelque chose. Et mm-hmm. C'est vraiment ça notre point fort, c'est qu'on se retrouve dans un espace très, très mixte, très ouvert. Et aujourd'hui, je suis animatrice spécialisée à Amilpad. Et je suis aussi trésorière de la Milpat. Et donc, le bénévolat et tout ça, c'est quelque chose qui apporte beaucoup aux autres, mais aussi à soi-même. Et c'est très, très important. Alors, Amilpad a bénéficié de l'aide de Viva for Life en 2014. Expliquez-nous ce que vous avez pu faire grâce à l'argent que vous avez reçu. Alors, grâce à cette aide financière que nous avons eue l'année passée, nous avons pu acheter un véhicule, ce qui nous permet d'aller chercher les mamans qui sont isolées en campagne, précarisées, qui n'ont pas de moyens de locomotion. On les fait venir à nos activités. Et il y a un plus grand échange encore qui est possible grâce à ça. Et on a augmenté la capacité d'accueil de notre espace. Aussi, nous avons pu étoffer l'équipe par des professionnels tels qu'une psychologue, une diététicienne, une psychomotricienne, pour que en fait il y ait une présence de spécialistes à chaque animation et que donc tout le monde puisse profiter des mêmes services. Ça, c'est grâce à Viva for Life, Cyril. C'est merveilleux. Hein, quand on entend un exemple concret de ce qu'on a pu faire l'année passée avec l'argent récolté. Merci, Nancy, pour votre témoignage. 0800 30 007, c'est le numéro à former maintenant parce qu'il ne reste plus que 4h32 minutes. Il est vraiment temps d'agir. Ça va vite passer. Hein. Ça va vite passer. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, ben, il est temps de le faire. Exactement. Et pour tous ceux qui se posent la question de savoir de ce qu'on fait avec l'argent, mais voilà, vous avez la réponse. C'est concret. Il y a des gens sur le terrain qui ont vraiment besoin de cet argent pour aider les familles qui sont dans la difficulté. Et merci d'en parler, Bénédicte. On vous retrouve tout à l'heure. Oui. 0800 30 007, on ne le dira jamais assez, ce numéro de téléphone. On a besoin de vous. Et si vous avez juste envie de faire un virement, ça marche aussi. Si vous n'avez pas envie de choisir de musique, vous pouvez directement verser de l'argent. BE 35, 8 x 0, 37 37. Ou alors le numéro de SMS 4001. Vous tapez votre numéro de compte. Et puis juste derrière, vous mettez le montant que vous avez envie de donner à Viva for Life. Bah, tu fais quoi là? Bah, je jette mes bouteilles. Oui, ça se voit bien, mais pourquoi le selfie? Mais pour le concours. T'envoies ta photo avec le bon geste de tri sur la page Facebook d'Intradel. Plus t'as de likes, plus t'as de chances de gagner. Ah, ok. Un petit selfie tous les deux? Oui. Attends, voilà, là. Ça c'est bien. C'est bien. Pour les fêtes, trions sans modération. Faites un selfie devant les bulles à verre décorées en boules de Noël et partagez-le sur facebook.com/intradel pour remporter un camion traiteur à la maison. Joyeuses fêtes, une action d'Intradel et de Fos Plus. Les piscines Leisure Pools, groupe Servimat, vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu'une bonne année 2016 et vous remercie de votre confiance. Papa, tu sais que l'ADEPS a 60 ans. Ah oui ? Belle preuve d'expérience. Je me rappelle mon premier stage ADEPS, j'avais 8 ans. C'était du tennis, en internat, à Spa. Alors, tu m'inscris ? Avec l'ADEPS, le sport c'est à tout âge. Info et inscription sur adeps.be ou au 02 413 25 00. Avec vivacité et l'avenir. Viva for Life. Salut, c'est Loane. Nous sommes les Innocents. C'est Marie Warner. Nous sommes Laura Pausini. Faites comme nous. Faites un don. Soutenez Viva for Life. La musique a du cœur. Alors partageons-la. Faites un don au compte 8 x 0 37 37. Info vivaforlife.be. Aqualibi pense à tous les enfants et soutient Viva for Life. Red Market, vos courses moins chères, rapides et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, un numéro spécial Noël avec des étiquettes cadeaux et des cartes postales. Joyeuses fêtes avec Femmes d'aujourd'hui. Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. Le Spar de Guy. Notre pâté maison, le champagne. Eh bien, Guy, on ne se refuse rien. Bah, quand je reçois, je prends le meilleur. Oh, bah, tu as bien raison. Puis à ce prix-là. Bah oui. Spar Colruyt Group. Toujours avantageux. Parfait pour un dîner de fête. Et par tranche d'achat de 100 euros, vous recevez une réduction de 10 euros valable en janvier. Voir conditions en magasin. Viva for Life. Jusqu'à 18h avec Cyril. Faces. look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. Christmas et la sélection de Annie de Scarbet qui a donné 40 euros pour les enfants qui vivent dans la pauvreté. Merci beaucoup Annie. On va partir du côté de la boîte aux lettres avec une école qui est là. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ah, vous avez l'air en pleine forme, vous n'êtes pas venue toute seule. Alors dites-nous, c'est quelle école et pourquoi est-ce qu'il y a un tambour avec vous? Eh bien, nous sommes le Sacré-Cœur et nous venons de Binche. Ah, et vous avez fait de la route pour venir nous voir, c'est super sympa. Ben oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait pour Viva for Life? Eh bien, les maternelles de la rue de Robiano ainsi que les premières années primaires ont fait un concert à Noël. Et nous avons récolté une somme de 250 euros. Ah, ben c'est super sympa. On va tout de suite mettre ça dans la boîte à dons. Hop là. On ajoute les 50 euros. Les 250 euros, c'est qui fait du tambour à côté de vous? Alors c'est Colin. Colin, tu nous fais une petite démo en direct à la radio, à la télé? Et ben voilà, Colin, il a plus qu'après rejoindre une patrouille de Gilles de Binche. Tu fais peut-être déjà le carnaval à Binche? Oui, ah bah oui. Il joue du tambour mais il ne parle pas, Colin. C'est le truc, il a les mains qui bougent mais pas les lèvres. Merci Colin, merci le Sacré-Cœur de Binche. C'est super sympa. On compte sur vous pour demander vos morceaux 0830-007. Vous choisissez la musique que vous avez envie d'écouter. Juste après la pause, il y aura... normalement, il y avait un extrait qui devait partir. Mais il y aura Ça plane pour moi de Plastic Bertrand qui a été demandé. C'est Salvatore de Grassolone qui a demandé cette chanson pour 30 euros qu'on ajoute tout de suite. Et ça plane pour Plastic Bertrand. Mais pour 80 000 enfants, ça ne plane pas à Bruxelles et en Wallonie. C'est des enfants qui vivent dans la précarité. Des enfants qui n'ont pas le nombre de repas nécessaires sur une journée. 10% des enfants qui ne prennent pas 3 repas par jour. On va parler un petit peu stats. Alors, c'est pas le moment le plus agréable de Viva for Life, mais pourtant, c'est la réalité dans la vie. Il y a 13% des enfants qui ne peuvent pas manger de viande, de poisson ou d'équivalent protéiné. Vous imaginez, entre 0 et 6 ans, quand on doit construire son corps, quand il faut de l'énergie pour grandir correctement, pour avoir toutes les forces nécessaires, eh bien, ils ne l'ont pas. 18% et demi n'ont pas de vêtements neufs. 34,3% n'ont pas un espace où jouer en sécurité. Vous imaginez à quel point ça peut être dangereux. C'est des appartements qui sont parfois en mauvais état. Ça peut être des prises qui sortent des murs avec des fils, avec des enfants qui vont ramper et qui risquent à tout moment de s'électrocuter. Vous imaginez comme ce n'est pas normal et comme on doit faire bouger les choses. Vous mobilisez énormément depuis le début de cette aventure, mais il y a encore 4h24, il faut rien lâcher, il faut vous donner au maximum. Et ces enfants, on a envie de les sortir de là, on a envie qu'ils aient un avenir meilleur. Ils n'ont pas choisi de naître dans la pauvreté et les parents ne peuvent pas toujours s'en sortir sans de l'aide d'associations qui sont là sur le terrain tout au long de l'année. On compte sur vous. 0830 007, c'est le numéro de téléphone absolument à former avant la fin de cette aventure. 4h23, dites-vous que ça va passer très très vite. Dans un instant, Plastic Bertrand qui arrive, comme promis, ce sera juste après ça. Sélection, bonjour. Bonjour monsieur, j'aimerais échanger un cadeau de Noël. Oui, mais Noël n'est pas encore passé. Oui, mais je sais déjà que mon mari va m'offrir un cadeau à double sens, comme un aspirateur, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, et vous préféreriez recevoir une tablette ou un appareil photo, j'imagine. Évidemment, mais allez dire ça à mon mari. Faites-le vous-même. Et comment faire? Eh bien, choisissez le cadeau de vos rêves sur mysélection.be et on s'occupe d'en informer votre mari. Oh, fantastique! Vous venez de sauver mon Noël et mon mariage. Sélection, meilleur et pas plus cher. Vivacité présente Viva for Life Volume 3, la double compilation. Avec toute la musique de Vivacité, Pharrell Williams, The Avenger, Black M, Alain Souchon, Maître Gims, Alice on the Roof, Sam Smith. 40 titres, la compilation qui a du cœur, au profit de Viva for Life. En vente partout et sur la boutique RTBF. Encollé sur la Lune. Quand les taloches jouent au Jedi. Espèce de baraquite kermesse cosmique. La farce est avec eux. C'est la guerre des étoiles. Signé Taloche, spécial Star Wars. C'est ce Jedi sur la Lune. Viva for Life. Avant de s'enfermer dans le cube de verre de Viva for Life, Sarah de Padua s'est confiée au magazine Gaël. Découvrez dans ce Gaël spécial Sarah les facettes inattendues de cette femme aussi belle dehors que dedans. Sarah se donne à fond et Gaël adore ça. Gaël, ma référence à moi. La musique a du cœur. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Wouhou. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Bertrand, ça plane pour moi. 0830 007 au call center, tout plane aussi, enfin en tout cas je l'espère. Caroline Dor est avec nous. Oui. Bonjour Caroline. Hello Cyril, ça va? Bah ça va et vous? Bah oui, ma foi oui, moi je suis pas enfermée dans un cube, j'ai plein de monde autour de moi. Dites-moi, vous je avez... Je peux même toucher si je veux. Ah bah ça c'est bien, vous touchez qui vous voulez Caroline, vous faites ce que vous voulez. Vous avez mangé Jean-Marc Dessert? J'ai mangé Jean-Marc Dessert, j'avais une très grosse faim et puis voilà, je l'ai bouffé tout cru. Bah c'est normal, le gibier en cette période de fête de fin d'année, ça marche pas mal. Hein. Mais je mange pour vous, hein, parce que moi je préfère le solide au liquide. C'est gentil. Dites-nous comment ça se passe au call center. Eh bien ça se passe très très bien, il est très bien le cerf. Ouais, hein. Ça se passe très très bien, mais les téléphones n'explosent pas. Moi je vais donner le défi tantôt que je voulais que le téléphone explose. Et puis ici il y a plein de bénévoles, ils sont une soixantaine, ils sont hyper motivés, ils vont faire du bruit d'ailleurs, ou pas. Voilà, effectivement. Merci à eux. Et alors si vous avez la chance, l'opportunité de téléphoner au 0800 30 007 comme James Bond disait tout à l'heure, vous allez avoir Liliane, Benoît, Jérôme, Damien, enfin il y a plein de gens ici, Gaetano, Hakim qui est là depuis ouf, super longtemps et il dort ici en fait Hakim, merci, il a planté Hakim. Sa tente et tout. Et puis vous téléphonez, vous faites votre don, vous choisissez la musique que vous aimez, vous la partagez avec vous Cyril pour vous faire plaisir et puis il y a même des messages très privés qui arrivent ici au call center pour vous. Ah, c'est oui. vrai Oui, je me souviens, j'ai vu une vidéo où vous étiez en larmes, beaucoup d'émotions. Et cette personne qui a témoigné, c'était Didier, il y a quelques jours, souvenez-vous. Eh bien, il a retéléphoné ici au call center et il voudrait vraiment vous inviter pour vous remercier de tout ce que vous avez fait. Donc, on vous donnera toutes ses coordonnées. Mais voilà, vous avez une invitation chez Didier. Eh ben, c'est super gentil. Ben, merci à Didier et à tous les autres qui ont appelé ce call center, qui ont donné et qui continuent à le faire. 0800 30 007. Dites-moi, Caroline, ça vous dit quelque chose cette musique ? Un petit peu, ouais, 007. 007, ouais. James Bond, comme la fin de son numéro de téléphone. Caroline, vous savez que dans les James Bond, il y a toujours une James Bond girl. Vous savez qu'il y a toujours une scène un peu sexy. J'ai un défi pour vous. Bah tiens, allez. Vous allez faire la James Bond girl cet après-midi. Vous avez un smartphone ? Non, j'ai pas de smartphone, j'ai même pas de téléphone du tout d'ailleurs. Bien sûr que si, vous en avez un. Vous allez dans le call center nous faire une pause sexy. Pour montrer qu'avec toute cette équipe du call center, vous êtes des agents au top. Et on partagera ça sur la page Facebook Viva for Life. Et attention, parce que je veux vraiment de la James Bond sexy, de la James Bond girl hyper sexy, hein, Caroline. Je compte sur vous. Il y a du boulot, hein. D'accord. Vous me laissez combien de jours? Je vous laisse les prochaines minutes pour le faire et on veut avoir la photo dans un instant. Merci Caroline, merci à toute l'équipe du call center. Merci à vous. Sous votre respect. Attention, grêle de bonnes affaires. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Bonne fin de journée à tous. Le ciel va à nouveau se couvrir, mais le temps restera sec ce soir et cette nuit. Il fera un petit peu plus frais, tiens, 4 à 8 degrés pour la nuit. Puis demain, un ciel assez bien nuageux. Les éclaircies seront plus rares qu'aujourd'hui. On attend de 9 à 13 degrés. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi, soit la nuit du réveillon, que de la pluie va nous revenir. 3 à 8 degrés pour les minima et puis le jour de Noël. D'abord, une matinée encore assez grise et puis l'après-midi, une zone de pluie plus active qui va arriver par la frontière française. On notera des maxima compris entre 6 et 10 degrés. Cette année, il y a de la magie en dessous de votre sapin. Faites toujours plaisir. Offrez un coffret cadeau du Château des Thermes de Chaudfontaine. C'est tellement facile de ne pas se tromper. Château des Thermes. Commandez sans tarder. Toutes les infos sur châteaudesthermes.be. La force est puissante dans notre famille. Rendez-vous sans plus attendre dans l'univers Fiat pour profiter de conditions exceptionnelles de fin d'année sur toute la gamme. Embarquez vite chez votre distributeur Lana. Lana, boulevard Xénogramme 33 à Herstal. Vivacité présente Ma belle-mère, mon ex et moi de Bruno Druard et Erwin Zirmi avec Christine Lemler et Franck Leboeuf le dimanche 17 janvier 2016 à 20h au Forum de Liège dans le cadre de Coup de Théâtre. Réservation 04 223 18 18. Info sur www.leforum.be avec RTC Télé Liège. Pour les fêtes, moi, j'aime quand il y a plein de bonnes choses. Ah, nous aussi, les bonnes choses, on aime quand il y en a plein. Un petit. Ah oui, monsieur Marc. Et c'est pour ça qu'on met plein de crevettes grises dans nos bonnes croquettes maison. Et en plus, elles sont faites à la main. C'est pour ça que ce sont de vraies croquettes maison. Sauf que bon, elles sont pas vraiment faites dans ma maison. Moi, j'habite toujours avec ma maman. Elles sont faites ici, chez Carrefour Market. Oui, on a compris, petit. Vous êtes sûr ? Jusqu'à jeudi, chez Carrefour Market, nos croquettes fraîches de crevettes grises sont en 3 plus 1 gratuites. Vous les trouverez à la poissonnerie. Joyeuses fêtes ! Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Vous écoutez Vivacité, il est 15h. Le journal est présenté par Marianne Brillot. 23 millions de passagers en 2015, c'est un record absolu pour l'aéroport de Zaventem. Et comme il était impossible de déterminer avec exactitude qui est l'heureux 23 millionième passager, eh bien le personnel de Brussels Airport a distribué des pralines belges à tous les passagers. Aujourd'hui, Zaventem dans le top européen des aéroports, 20 000 personnes y travaillent. Le bras de fer continue entre les syndicats de la SNCB et le gouvernement. Mais les syndicats ont entendu en partie l'appel des étudiants qui seront en examen au mois de janvier. Ils ont donc décidé de reporter 3 dates de grève, celles des 21, 22 et 23 janvier. Mais les 2 autres dates restent maintenues, les dates du 6 et 7. Le Front commun syndical doit se réunir en début de semaine prochaine pour évaluer la dernière proposition du gouvernement, le fédéral, qui demande toujours la suspension des préavis de grève avant d'envoyer des conciliateurs sociaux pour gérer le conflit social au chemin de fer. En France, le régime d'état d'urgence sera bien inscrit dans la Constitution. État d'urgence dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement français l'a décidé aujourd'hui. Il s'est aussi accordé pour retirer la nationalité française aux individus coupables d'actes de terrorisme. Cela concerne les citoyens qui ont la double nationalité, qui sont nés dans l'Hexagone. Le président François Hollande avait laissé entendre que le gouvernement pourrait renoncer à cette mesure très controversée finalement. Ce n'est pas le cas. La Malaisie, elle dispose désormais de sa première compagnie aérienne appliquant les principes de la charia. La compagnie opère pour l'instant des vols intérieurs, mais elle espère bien s'ouvrir à l'international d'ici l'année prochaine. Rayani Air propose des vols avec une prière avant le décollage, des plats halal sans alcool et viande de porc et un règlement très strict pour le personnel féminin de bord. Elle devient la quatrième compagnie islamique au monde. D'autres infos à 16h. Pour l'instant, retourne à Charleroi dans le Cube de Verre. Et de Charleroi, nous partons au centre Perex, retrouver Adrien Demey pour un RTBF Mobile Info. Oui, on a ce véhicule en panne signalé sur le 40 entre Liège et Bruxelles à hauteur d'Everberg. C'est sur la voie d'accélération Everberg que le véhicule se trouve. Attention donc si vous l'empruntez et reprenez cette E40 vers Bruxelles. Mieux vaut des bouchers que des bouchons. Chez Intermarché, les bouchers et Zakouski sont au meilleur prix. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva for life! Viva for life! Avec Cyril. Alors autant en rentrant dans ce cube, on a vu le chrono de 144 heures, on s'est dit ben voilà, la semaine démarre, 6 jours, 6 nuits, c'est dans longtemps la sortie. Autant là maintenant, c'est très proche, 4 heures, 10 minutes et 55 secondes. Et vous pouvez encore vous mobiliser, on compte sur vous. Vous êtes hyper nombreux à venir sur la place de la digue, c'est super sympa, on vous remercie. Et puis vous êtes nombreux aussi à appeler le call center. Mais il faut y aller, il faut rien lâcher. Vous imaginez, on est sur une étape du Tour de France, on est sur la fin. C'est le sprint final et les coureurs, vous le savez, ils donnent tout sur la fin. Ben vous êtes les coureurs, vous allez partir avec le maillot jaune, les amis. 0830 007, c'est à vous de composer ce numéro de téléphone et de vous battre pour que ces enfants, ces 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie, ne vivent plus dans la pauvreté, ne vivent plus dans des situations qui sont complètement anormales, que ces enfants puissent manger le nombre de repas nécessaires par jour, puissent aller à l'école, puissent faire des activités, puissent avoir une sociabilisation et puissent grandir correctement. Entre 0 et 6 ans, ils se construisent et ils ont besoin de se construire bien. Et pour ça, vous pouvez faire vos dons. 0830 007, vous demandez la musique que vous avez envie d'écouter, peut-être celle-là. Mais de toi, je ferai ce que je voudrais. Mais de toi, je ferai ce que je voudrais. On écoutera peut-être du Niagara si vous le demandez, ou alors dans un autre style, Jennifer Page. C'est bien ça, c'est souriant Jennifer Page. N'hésitez pas à le demander, vous me ferez plaisir au passage. Donc 0830 007, Eagle Like Cherry. Ça, c'est aussi une bonne idée. Vous êtes plutôt de ce style-là ? Si jamais ça passe, on peut faire danser toute la place de la digue tout à l'heure. 0830 007 pour aussi demander éventuellement du cœur de pirate. Allez, on va le faire tous ensemble. Prenez le temps, vous sortez votre téléphone et vous tapez 0800 30 0 07. Vous validez l'appel et dans quelques secondes, vous êtes avec notre Dream Team qui est au call center Enalo à Gosselies, qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure pour voir comment ça se passe. On compte sur vous. Si vous voulez le faire par internet, ça marche bien évidemment. www.vivaforlife.be. Vous faites vos dons, vous choisissez la musique aussi. Et pour ceux qui n'ont pas envie de choisir de titre, bah vous pouvez simplement faire votre virement, soit par SMS. 4001, c'est le numéro. Vous envoyez votre numéro de compte, un espace et puis juste après le montant que vous avez envie de donner à Via for Life pour recevoir une confirmation pour vous dire que tout s'est bien passé. Ou alors il y a encore le virement bancaire BE35 8x0 37 37. L'autre possibilité, c'est de venir sur la place de la digue et il y a des enfants qui sont à la boîte aux lettres. Bonjour les enfants, comment ça va? Est-ce que vous nous entendez à l'extérieur? Les enfants, bonjour. Vous allez bien? C'est quoi ton prénom? Fiona. Fiona, viens plus près du micro. Fiona, t'es venue, c'est tes frères et sœurs qui sont avec toi? Cousin, cousine. Cousin, cousine, toute la famille qui est là. Et vous êtes venu donner combien dans la boîte à dons? Je sais pas. Bah, vous avez mis plein de sous. Blablabla. Bla, bla. blablabla, si tu veux. Eh ben, c'est de l'argent qui rentre dans cette cagnotte pour Viva for Life. Grâce à vous, les enfants, ben, on va pouvoir aider d'autres enfants qui en ont besoin. C'est super gentil. Merci à vous, je vous fais des bisous. À tous, blablabla. Voilà, chacun son langage, hein, y a pas de problème. Si vous parlez en blablabla, on vous accueille aussi. 0830-007 pour choisir la musique. Il y a Anne-Marie de Harlon qui a donné 50 euros pour écouter Jean-Louis Aubert, Tant à nouveau. C'est maintenant sur Vivacité. Viva for Life. Puisque les dauphins sont des rois, seul le silence s'impose. Que ce n'est plus qu'un système, et sa police américaine. Si vous aimez la musique et que vous avez envie de la partager, on vous attend, on compte sur vous. On est là pour ça en fait, hein, pendant encore 4 heures et 4 minutes, récolter un maximum d'argent et passer un maximum de musique que vous aimez. 0830 007, on vous attend au call center. Et puis sur le terrain, il y a des défis Viva for Life depuis des semaines et des semaines, avec énormément de personnes qui se mobilisent pour soutenir les enfants qui vivent dans la précarité à Bruxelles et en Wallonie. Et alors il y a Marcelin et Julie qui sont déjà venus beaucoup ici devant ce cube de verre, parce qu'ils ont organisé une soirée à Gouy, c'est ça, à Gouvy, à Gouny. Oui, j'oublie à chaque fois. À Gouny, c'est dans l'entité de Gerpine. Et alors, vous avez fait une énorme soirée. Il y a une copine en plus qui s'est rajoutée. Comment elle s'appelle ? Babette. Voilà, donc Marcelin, Julie, Babette, vous avez organisé une soirée et vous avez récolté au total combien ? 906 euros. Waouh, génial. Merci, merci. C'était une soirée avec William Dunker, entre autres. Et puis, il y avait une after party. Tout le monde a dansé. Ça va, vous n'étiez pas trop fatigué après ? Est-ce que vous étiez passé pendant la nuit pour nous faire un petit coucou, hein ? Oui, c'était pas très facile. Hein, ouais. On n'a pas revu les images, mais ça ne devait pas être extra. Oh, vous étiez beau. Vous inquiétez pas. Vous étiez beau. On doit remercier la collaboration de l'administration communale de Gerpine et du cercle Wallon de Couillet aussi. Eh ben, merci à eux de vous avoir soutenu. Et c'est un très beau geste que vous avez fait pour tous les enfants qui en ont besoin. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Trois, en tout cas. À bientôt. Salut. Merci beaucoup. Courage, il nous reste plus que 4h, 3 minutes et 15 secondes. Et donc, vous devez vous mobiliser encore 0800 30 007 pour que cet argent parte dans des associations qui en ont besoin tout au long de l'année, n'est-ce pas, Madame Cause, Bénédicte Duval? Effectivement, et je suis accompagnée de Sophie Crappé, qui est directrice de l'ASBL Comme Chez Nous, une des trois associations financées par Viva for Life, dans le cadre de la recherche-action concernant la problématique des femmes en errance avec enfants. Comme Chez Nous développe en journée un dispositif intégré d'accompagnement des sans-abri et propose un accompagnement social dans le logement visant l'autonomie de la personne et limiter aussi les retours à la rue. Sophie Crappé, quelles sont les raisons qui amènent ces femmes à se retrouver en errance avec leurs enfants ? Eh bien, elles ne sont pas simples. La plupart du temps, ce sont des ruptures, et bien souvent des ruptures amoureuses qui les amènent chez nous. Mais pourquoi arrivent-elles malgré tout en rue face à cette situation ? C'est parce qu'elles ont bien souvent pas de solution autre. La famille est trop éloignée ou elles sont en rupture avec cette famille et donc n'ont plus de liens sociaux suffisants que pour les accueillir. Alors, vous avez un témoignage précis en tête à nous livrer ? Je pense à cette jeune femme qui est arrivée un jour avec deux enfants. Elle était vraiment au bout du rouleau et ses enfants nous ont fait mal au cœur parce que, ils étaient un peu mal fagotés, ils avaient vraiment l'air perdus. Et cette jeune femme était, elle aussi, complètement perdue. Mm-hmm. Elle avait voulu faire appel à sa famille, mais compte tenu de son parcours, certaines portes lui avaient été fermées et d'autres portes, elle ne voulait pas les ouvrir parce que elle avait une expérience qui faisait que les structures d'accueil collectives qui peuvent faire répondre à son besoin à ce moment-là, elle ne voulait pas y faire appel. Donc elle est arrivée chez nous en journée et donc tout le travail qui a été fait avec elle, c'était de lui rendre confiance d'abord en elle-même, dans ses capacités d'être mère et puis aussi dans les structures qui pouvaient lui venir en aide. Et c'est un travail qui est très long parce que bien souvent, ce sont des personnes qui ont des parcours de rupture multiples et puis à un moment donné on lâche pied et simplement on ne peut plus se faire confiance ni faire confiance à l'autre. Donc nous on essaye dans la mesure de nos moyens de prendre le temps de donner un espace pour que ces femmes puissent retrouver leur propre chemin de mère. Quel service vous pouvez leur rendre actuellement ? Alors, vous l'avez dit, on est au départ, nous, un centre d'accueil d'urgence pour personnes sans abri, qui est ouvert 365 jours par an. Or, deux sans-abri sur 10 sont des femmes. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps qu'il fallait un accueil spécifique pour elles. Parce qu'elles sont dans un milieu mixte, qui est dominée par les hommes. Alors elles ont bien souvent aussi des difficultés liées à leur vie en rue, qui est qu'elles sont finalement un peu victimes aussi de cette situation, et avec leurs enfants c'est encore plus difficile. Et donc on a développé un accueil spécifique dans un premier temps. On a aussi développé un petit guide qu'on a appelé avec elles pour elles. Parce que là c'est la possibilité dans une série de lieux qui les accueillent habituellement, de trouver une personne de référence qui va être vraiment sensible à cette situation d'errance. Avoir vécu la rue, c'est pas rien. Et donc avoir vécu la rue, c'est pas pouvoir faire la file comme tout le monde, venir à un rendez-vous comme tout le monde, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite, on a aussi développé un accueil spécifique femmes, à la fois collectif et individuel. Alors collectif, ça veut dire qu'elles s'appuient vraiment sur un groupe. Elles sont une série de femmes qui ont vécu des parcours parfois similaires, avec ou sans enfants. La plupart malheureusement ont des enfants, mais elles en sont séparées. Et un de leurs plus chers souhaits, c'est de pouvoir les récupérer. Les enfants, évidemment. Et donc, c'est comment est-ce qu'elles vont les récupérer et dans quelles conditions ? Oui. Parce que il faut d'abord se retrouver soi-même la plupart du temps pour arriver à renouer ce lien avec l'enfant. Et donc c'est un travail qu'on a appelé d'espace-temps, parce que justement c'est créer cet espace et le temps nécessaire à la reconstruction. Oui. Alors le temps, à votre avis, c'est combien de temps comme ça pour... Oh, j'imagine qu'il faut plusieurs mois, peut-être. Non, plusieurs années. Oui. Et donc on est vraiment sur un travail de très très longue haleine. Et puis alors on a développé quelque chose d'un peu plus macro, qui est un groupe de réflexion et d'action pour ce phénomène de femmes en errance, parce qu'on pense aussi que c'est pas nous, notre association ou une autre dans son coin qui va réussir à trouver, les solutions les plus adaptées. C'est ensemble qu'on va vraiment pouvoir tisser un maillage suffisant que pour les aider à rebondir. Alors, quel est leur avenir de manière générale à ces femmes ? On se disait hors antenne, c'est pas évident. C'est pas évident, non. C'est souvent à la lumière de leur parcours, particulièrement complexe, difficile, long. Mais on a tendance à dire chez nous que le tout, c'est en trois mots. C'est, je l'ai dit déjà à de nombreuses reprises, mais c'est le temps. Oui. la confiance en soi et en l'autre en tant qu'institution. C'est essentiel. C'est essentiel. Et le lien qu'ils vont pouvoir nouer avec nous. Et donc, c'est vraiment de l'accompagnement physique individuel, le fait de s'accrocher sur le groupe qui va faire qu'elles vont retrouver une stabilité, on l'espère, affective. Oui. Une stabilité financière aussi, parce que pour élever des enfants, bah, il faut une certaine stabilité financière. Et le logement, qui est souvent clé. Et bah, voilà, ça va être un peu justement les clés de leur avenir et aussi les clés d'un nouveau départ pour ces enfants. Merci et bravo pour le travail que vous effectuez au quotidien. 0800 30 007, c'est le numéro à former pour aider des associations comme celle-ci, la SBL, comme chez nous, située ici, pas très loin, je pense. Hein. Oui, ici, juste derrière la gare. Voilà, donc c'est à ça que sert votre argent, 0800 30 007. Les bénévoles sont là au call center pour prendre vos appels. Il y a le site internet vivaforlife.be et toujours cette possibilité par SMS au 4001. Vous tapez votre numéro de compte suivi d'un espace, suivi du montant de votre don. Et on compte sur vous, il ne vous reste moins de 4 heures, ça file à une vitesse, c'est dingue. Tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est hier qu'on est rentré dans ce cube avec les 144 heures et on est déjà tout doucement à la fin. Donc on compte sur vous vraiment. Il faut y aller maintenant, après ce sera trop tard. 0800 30 007. Deleuze présente les tables de Noël de toutes les familles. Aujourd'hui, la parole est à Georges. Moi, à Noël, je prépare des petits toasts au saumon que je rehausse d'une tranche d'oignon rouge, de citron et de cafre. En plus, chez Deleuze, jusqu'au 24 décembre, le saumon norvégien élevé en fjord est au prix exceptionnel de 5,99€ les 8 tranches. Deleuze, bien acheté. Bien fêté. Offrez des fleurs, c'est du bonheur. Pour que les fêtes soient plus belles, j'offre des fleurs naturelles. Alors pour Noël et l'année nouvelle, je prévois des brassées de roses, de fraisias, de lys et d'amaryllis achetées chez mon fleuriste. Pour les fêtes, faites comme moi, pensez fleurs. Écoutez, Eurocenter devient Kitchen Market. Et maintenant, un cadeau pour toi, ma chérie. La cuisine pour les nuls ? Super, joyeux Noël ! Parce qu'on a tous envie de bien cuisiner, aujourd'hui, il y a Kitchen Market. Petits et gros électroménagers, cuisine équipée, ustensiles Alice Délice et cours de cuisine. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Envie d'offrir un cadeau qui fait vraiment plaisir ? Kitchen Market, ce sont des milliers d'idées cadeaux pour les gourmets et les gourmands. Le 25, les plus grandes voix et les meilleurs crooners se donnent rendez-vous dès 19h sur Vivacité avec Marc Vernon et Bruno Thumers. Ce soir, après 6 jours et 6 nuits, le cube de verre de la place de la Digue à Charleroi va rouvrir ses portes. Mais avant de libérer Sarah, Sébastien et Cyril, Zazie, marraine de l'opération, vous donne rendez-vous dès 17h sur le podium de Viva for Life. Et à partir de 19h, participez à l'émission télé en direct sur la Une. Assistez à la sortie des 3 animateurs et au grand show final avec Kid Noize. Viva for Life, la musique a du cœur. Vivacité présente Viva for Life volume 3, la double compilation avec toute la musique de Vivacité. Louane, Florent Pagny, Ozier, Ed Sheeran, Grégory Lemarchal, Cœur de Pirate, Daniel Balavoine, Omi. Viva for Life volume 3, 40 titres. La compilation qui a du cœur au profit de Viva for Life. En vente partout et sur la boutique RTBF. La musique a du cœur. Partageons-la. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire. Ça porte bonheur, c'est magique un refrain qu'on reprend tous en cœur. déjà repartir. Retrouver l'aventure qui n'aurait pas dû finir. S'il y a du gris dans tes nuits ou des larmes dans ton cœur, la musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour des jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte le bonheur. C'est magique, un refrain qu'on reprend tous en cœur. Et ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire. Odile pour ce chant hyper festif. Ça fait rire les oiseaux, la compagnie créole. Elle nous dit parce qu'il y a toujours une mélodie pour les jours meilleurs. Odile de Hershey qui nous donne 40 euros pour les enfants soutenus par les associations de Viva for Life. Il y a quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour, comment ça va? Allô? Allô. Bonjour Angelo, comment ça va? Bonjour, cet après-midi? Ça va et vous? Bon, ça va bien. On est à quelques heures de la sortie, 3h51min 35 secondes, et il y a encore des gens comme vous qui se mobilisent jusqu'au dernier moment, ça fait super plaisir. Angelo, vous avez fait un énorme don. Tout à fait. Vous avez fait un don de combien? 500. Waouh. 500 euros Angelo, vous êtes de Warem. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer avec autant d'argent? Comment dites-vous? J'ai pas compris, désolé. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer avec autant d'argent? Pourquoi soutenir avec 500 euros ces associations qu'on finance tout au long de l'année? Bah écoutez, d'abord, je peux dire que j'ai de la chance, je travaille, mon époux travaille, mes enfants font des études, et je pense aux enfants qui ne pourront peut-être pas faire des études comme les miens, donc je me suis dit pourquoi pas donner un don de 500 euros pour vraiment aider les enfants qui sont vraiment dans le besoin. Et bah, c'est un super beau geste, Angelo. On vous remercie. Il y a tous les enfants qui vous remercient. Alors entre 0 et 6 ans, ils sont un peu petits pour le dire, mais toutes les associations qui s'en occupent tout au long de l'année sont hyper sensibles certainement à ce don de 500 euros. Et grâce à vous, on découvrira certainement un gros montant tout à l'heure en sortant de ce cube. On n'a aucune vue, nous, sur le montant. Il n'y a personne qui sait combien est donné pour le moment. Ce sera la grosse surprise en direct tout à l'heure entre 18h30 et 19h20. Mais on sait tout à l'heure, en découvrant ce montant, que vous y aurez participé, Angelo. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Ok, encore une fois, félicitations à vous tous, et franchement, bravo, bravo, bravo. Écoutez, bravo à vous. Merci Angelo, bon après-midi. Salut, au revoir. Salut. Et vous avez demandé d'écouter Adriano Celentano, voici ce que vous avez demandé. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation, svalutation. Io amore mio non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Col salario di un mese compri solo un caffè. Gli stadi sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation. Da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, svalutation, svalutation. Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Yeah. Gaetano, c'est ce qui a été demandé tout à l'heure par Angelo qui était au téléphone avec nous il y a quelques secondes. 0800 30 007, vous continuez à faire vos dons, à appeler pour choisir la musique qui a du cœur et on la partage ensemble. Et on la partage aussi sur la place de la digue avec quelqu'un qui est à la boîte aux lettres. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Véronique. Véronique, vous êtes venue avec un chèque. Oui, qui représente une vente de cake au sein d'une école de Bruxelles. Ça, c'est génial. Avec des tout-petits de 2 ans et demi. Ah, voilà. Ils se sont fait plaisir, ils ont mangé du cake. Ils en ont mangé beaucoup, mais ils en ont surtout vendu beaucoup. Eh ben, c'est très bien. Et toute cette vente de cake, ça rapporte combien ? 1250 euros. Ouh, merci beaucoup. Ah, c'est super sympa. Merci. Oui, vous pouvez mettre dans la boîte. C'est super sympa. Merci d'avoir mobilisé les élèves, les jeunes élèves pour Viva for Life et pour penser à tous les enfants qui en ont besoin. C'est super sympa. À bientôt. Je peux juste remercier encore une fois mon directeur, mes collègues, les enfants et les parents de l'Institut Saint-Louis Bruxelles. Eh ben voilà, le message est passé. Merci à vous, merci à toute l'équipe de l'Institut Saint-Louis à Bruxelles. On fait une toute petite pause, ça va aller très vite. On revient dans un instant avec Jean-Michel Jarre qui a été demandé. On écoutera Oxygène, c'est Carmelo de Modave qui a donné 100 euros pour écouter. Vous êtes super généreux, continuez comme ça. On a encore 3h46 et 26 secondes à tenir et grâce à vous, on va faire des choses merveilleuses cette année avec l'argent que vous allez donner pour les associations. Je vous rappelle 140 appels à projets qu'on a reçus cette année. Ça veut dire que sur le terrain, concrètement, il y a des choses à faire, il y a des gens qui en ont besoin. Et grâce à vous, on va pouvoir améliorer le quotidien de nombreux enfants. Merci beaucoup. 0800 30 007. On lâche pas, on continue à appeler et on fait des dons. Viva for Life avec nos partenaires. Colibri pense à tous les enfants et soutient Viva for Life. Red Market, vos courses moins chères, rapides et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. Viva for Life. Cette semaine, Flair soutient Viva for Life et donne la parole à de jeunes mamans célibataires. La précarité, elles connaissent et la défient chaque jour. Flair, Flair, il faut le Flair. En télé sur la Lune. De l'avis des experts, le millésime 2015 de Drôle de Bêtisier est exceptionnel. Excusez-moi. Le millésime 2015 de Drôle de Bêtisier, c'est vendredi soir sur la Une. Elle est célèbre depuis plus d'un siècle. Elle détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement votre intérieur. La lampe Berger sera pour les fêtes l'invité d'honneur des magasins Sélection au passage Le Monnier à Liège et rue du Collège à Visé. En cristal ou en pâte de verre, en porcelaine ou en faïence, la collection la plus large des lampes Berger sera chez Sélection pour vous apporter un choix idéal de cadeaux de fin d'année et à un prix très raisonnable. Maison Sélection à Liège et à Visé. Chérie, on prend un nouveau du foie gras cette année ? Oh oui, et on va même aller l'acheter jeudi chez Intermarché. Ce jeudi, grâce à votre carte de fidélité Intermarché, le bloc de foie gras de canard avec morceaux 200 grammes Guillaume Dunois est en 1 plus 1 gratis. Vous aussi, fêtez plus, dépensez moins. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viva for life, Viva for life. La musique a du cœur. Jusqu'à 18h, partageons-la avec Cyril. Jean-Michel Jarre, Oxygène. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent des nouvelles de Cubi, parce que ça faisait quelques temps que Cubi s'était pas montré dans le studio. Il était caché sous la table, en fait. Cubi, il est ici, voilà. Il est posé sur la console. Donc si vous entendez des sons bizarres, c'est que Cubi est en train de jouer au réalisateur avec ses petites pattes. Un point RTBF Mobile Info tout de suite. Non, pas de point RTBF Mobile Info. On se connectera avec Perex un petit peu plus tard. Et du coup, je vais juste demander à la régie de savoir ce que je dois faire avec toute l'équipe qui est derrière. Parce que, en fait, on a 150 personnes dans les oreilles qui sont en train de nous dire à chaque fois ce qu'il faut faire. Je remercie David, d'ailleurs, qui est un peu mon cerveau pendant cette émission. Et y a du boulot parce que le naturel, il n'y en a pas beaucoup déjà à la base dedans. Donc, il fait énormément de travail derrière. On a notre parrain et notre marraine qui ont un message pour vous. Écoutez bien, c'est hyper important. On rigole pas pendant deux secondes parce que là, le message est important. Écoutez. Je vais vous expliquer comment faire un don. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, par téléphone, 0800 30 007. Deuxième possibilité, par Internet, vous pouvez faire un don et partager votre musique sur www.vivaforlife.be. Sinon, par SMS, au 4001, vous tapez votre numéro de compte suivi d'un espace, suivi du montant de votre don. On compte sur vous. Les enfants, plus que jamais, ont besoin de vous. On peut toujours dire qu'on ne savait pas, mais là, quand on voit les images, on sait. Donc, si on peut, il faut aider. Merci. Merci à parrain Patrick Bruel, à marraine Zazie qui viendra nous sortir tout à l'heure de ce cube de verre. Soyez là entre 18h30 et 19h20 pendant le direct sur la Une avec Adrien Yann-Laure et Zazie donc qui nous sortira de ce cube dans exactement 3h40. 0830007, on a besoin de vos dons. Allez-y, appelez, parce qu'après il sera trop tard, vous ne pourrez plus le faire tout à l'heure. Donc 0800 30 007, on compte sur vous. On a retrouvé Adrien Demey, on fait un point RTBF Mobile Info, que se passe-t-il? Bien, ça ralentit notamment vers la France, vers le poste frontière d'Anzy venant de Mons sur le 42. Comptez une vingtaine de minutes perdues à partir de Dour en direction donc de cette frontière française. Sur la petite ceinture bruxelloise également, un trafic ralenti, c'est dans le tunnel Louise en direction de Kuckelberg. Mieux vaut des bouchers que des bouchons. Chez Intermarché, les bouchers et zakouskis sont au meilleur prix. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, un numéro spécial Noël avec des étiquettes cadeaux et des cartes postales. Joyeuses fêtes avec Femmes d'aujourd'hui. Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. Macro présente ses promotions de fin d'année. Avec ce dimanche, la journée des étiquettes rouges. Oh ! Il y a des milliers de produits avec une étiquette rouge. Oh ! Ils sont tous à moins 40%. Oh ! Voilà, c'est exactement ça. Ce sont les promotions macro. Oh oh ! Ce dimanche 27 décembre, c'est la journée des étiquettes rouges, avec des produits à moins 40%. Oh oh oh ! Bienvenue à tous de 9 à 17 heures. Infos et conditions sur macro.be. Red, Full of Dreams, le nouveau Coldplay, un album haut en couleur à ne pas rater. Découvrez le nouvel album de Coldplay. En vente partout. Et tu fais quoi là? Bah je jette mes bouteilles. Oui ça je vois bien, mais pourquoi le selfie? Mais pour le concours. T'envoies ta photo avec le bon geste de tri sur la page Facebook d'Intradel. Plus t'as de likes, plus t'as de chances de gagner. Ah ok, un petit selfie tous les deux? Eh ouais. Attends, voilà, là. Ça c'est bien, c'est bien. Pour les fêtes, trions sans modération. Faites un selfie devant les bulles à verre décorées en boules de Noël et partagez-le sur facebook.com/intradel pour remporter un camion traiteur à la maison. Joyeuses fêtes, une action d'Intradel et de Fosse Plus. Oh oh oh oh. Père Noël, attendez! Pas le temps! Je file chez Cash Converters! Pas bête ça pour les bons plans cadeaux. Cash Converters vous aidera à trouver quel paquet placer sous le sapin. Cash Converters! 4 magasins dans la région, à Ans, Herstal, Liège et Serein. Luc, allons voir les magasins de chaussures trouvés sur localeasy.com. Et on commence par celui qui fait une promo. Localeasy.com. Localeasy.com. Viva for life! La musique a du cœur. The Blur, c'est Raphaël, la SPRL, Raphaël Berrigan, architecte qui a donné de l'argent. Ils viennent de Haute-Noix et c'est 100 euros qui rentrent dans cette cagnotte. Merci aux animateurs et les bénévoles. Cette action est extraordinaire, mais c'est vous qui êtes extraordinaire de donner autant et de penser à tous ces enfants qui sont dans le besoin, qui vivent dans la précarité. Un enfant sur quatre à Bruxelles et en Wallonie, c'est beaucoup trop. On va faire changer les choses avec vous, on va y arriver. 0800 30 007 pour faire vos dons. Et justement, à propos du téléphone et de 007, Caroline Dor, comment ça va? Bien, Cyril, et vous? Bah ça va, vous êtes en direct du call center Enalo à Gosselies. Je vous ai lancé un défi tout à l'heure, c'était d'être la James Bond Girl de ce Viva for Life. Vous deviez poster une photo. C'est tout est relatif, hein. Oui, c'est fait. Vous allez sur mon site, sur le Facebook, hashtag Viva for Life, vous allez pouvoir constater, j'ai même eu de l'aide et je suis même couleur de Viva for Life, donc je me suis vraiment donné du mal. J'ai même trouvé un James Bond et toc. Ah bah parfait, on est en train de découvrir la photo. Ah oui, quand même. Vous êtes magnifique, super sexy comme ça en James Bond Girl. Vous voyez la photo sur Live si Center et sur Télécembre en ce moment. Magnifique, bah ça, c'est mon génial. Mari qui va être ravi. Bah, c'est mon mari pour le moment. C'est qui le monsieur à côté? Ça, vous allez voir. Mais, Cyril. Oui. Cyril, je vais me venger. Je vais me venger. Bon, moi, je vais pas vous demander de faire une James Bond sexy. Non, ce sera embêtant. Il y a tous les gens ici au call center qui sont en train de mater la photo, qui sont en train d'applaudir. Voilà. Bah, vous avez raison, on peut vous applaudir parce que vraiment, elle est bien faite, cette photo. Oui, elle est super bien faite, la photo, on va dire ça. Mais moi, je vais vous mettre au défi. Vous aimez chanter, Cyril, n'est-ce pas? Alors, vous entraînez toutes les nuits. Bah, le problème, c'est que c'est j'aime bien, mais je ne sais pas. C'est le souci. Ah bah justement, on va rire, tiens. Vous connaissez les chansons de Zazie, forcément. Oui. Vous connaissez la chanson « Tout le monde, il est beau ». Évidemment. Vous savez que je suis au call center. Oui, et qu'il y a du monde autour de vous. Je suis entourée d'une soixantaine de personnes, voire plus. Oui. Et donc, j'ai collecté tous les prénoms. Et vous allez, pour moi, uniquement pour moi et aussi pour les 80 000 enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, faire un défi. Vous allez me chanter tous les prénoms. Comme Zazie, sauf que c'est avec les prénoms des bénévoles qui sont ici au call center. Je vais vous envoyer une liste avec des prénoms. Ça risque d'être long, hein. Mais il y a pas de problème. On prendra le temps qu'il faut pour remercier tous les bénévoles qui prennent le temps de, sur leur journée, alors qu'on sait que. Et je vais vous entendre chanter la prochaine fois fêtes, que je vous entends. Il y a pas de problème. Je chanterai mal, mais je chanterai. Vous chanterez juste, vous allez faire un effort. Moi, j'ai fait des efforts, vous allez en faire aussi. Ça fait des années que j'essaie de chanter juste et ça marche pas. Mais je chanterai, c'est promis. Vous m'envoyez la liste? D'où la radio, d'accord, en fait. Voilà. Oui, je vous envoie la liste tout de suite. Eh ben parfait, on se fait ça dans quelques minutes. Merci Caroline. Et sinon, ça sonne assez haut au téléphone? Ah ben maintenant, ça risque de sonner un peu plus avec la photo. Parce que toutes les filles qui sont ici sont habillées comme moi sur la photo. Donc ça vous donne une idée. Alors n'hésitez pas à les appeler vraiment. 0830 007, il faut que ce standard téléphonique explose. C'est tous des James Bond girls super sexy ici et des James Bond super adorables. Eh ben c'est vraiment parfait. On peut leur téléphoner. Eh ben on appelle 0830 007. Caroline, vous m'envoyez la liste des prénoms et je vous relève le défi dans les prochaines minutes. Ok. Merci. Allez, Caroline. À tout à l'heure. On écoute une chanson qui a été demandée par Agnès, justement, par le call center. Elle a donné 55 euros, Agnès, pour écouter Double enfance de Julien Clerc. Donner à tout le monde la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes. Et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Double vie, double silence, double sens et double jeu. Silencieux, le cœur balance. Pourquoi les parents sont-ils deux? On voit du pays, on voyage chaque semaine et chaque été. Des souvenirs qui déménagent et qu'on ne peut pas raconter. Elle n'est pas donnée à tout le monde la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois tout, c'est que l'enfance me revient. De maison, de cas. quartier de gâteaux d'anniversaire. Multiplier les pères et mères n'a pas que des mauvais côtés. Avant les autres, j'aurais su que le seul sentiment qui dure, c'est le chagrin d'une rupture où je n'aurais jamais rompu. Elle n'est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Le temps n'est plus un souci, elle n'est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. Il n'est pas trop tard pour faire vos dons. 0830 007, on compte sur vous. On va se faire un petit défi. Vous me faites péter le standard du call center pendant la minute de pub qui arrive. 0830 007. Bonne chance de fin d'année avec la Loterie Nationale. Bonjour, comment allez-vous? Je suis le hibou du loto de Noël et j'ai une nouvelle épouse touflante. Il y a en effet 2 500 000 euros à gagner ce 24 décembre grâce à notre loto de Noël. Houhou, c'est le cas de le dire. Moi je suis un hibou et vous serez un pigeon si vous ne jouez pas, n'est-ce pas? Jouez à notre loto de Noël ce 24 décembre. Il y a 2 500 000 euros à gagner. Houhou! Vivez votre rêve avec loto de Noël. En mal d'idées pour les fêtes, offrez du bien-être. Une pause soins ou détente à l'espace 22, voilà un cadeau qui ne s'échange pas. Sauna, hammam, jacuzzi, de nombreux soins en institut ou même chez vous. Espace 22, c'est aussi une parfumerie sur 800 mètres carrés. Découvrez nos chèques cadeaux. Espace 22, c'est tout ce que je veux. Rue de la station à Anse et sur espace22.be. La musique est du cœur. Partageons-la. Vous faites vos demandes de chansons et vous partagez votre musique avec des dons. 0830 007 et vous venez aussi sur la place de la Digue ici à Charleroi. Tout à l'heure il y aura le showcase de Zazie pour juste après la sortie du cube. N'oubliez pas de venir si vous êtes dans le coin parce qu'on va faire une grosse fête tout à l'heure et en découvrant ensemble le montant que grâce à vous on aura pu récolter et grâce à madame qui est à la boîte aux lettres. Bonjour madame. Bonjour. Quel est votre prénom? Catherine. Catherine, vous êtes venue en famille? Non, ça c'est pas à moi. Ah, c'est pas à vous. J'ai hérité en fait. Ah ben d'accord. Et vous avez donné combien dans la boîte? 10 euros, j'ai pas pu donner. Mais comment ça, vous avez pas pu donner plus? C'est génial 10 euros, c'est déjà beaucoup 10 euros. Ça fait super plaisir. Pourquoi ça vous touche, la cause de Via for Life? Parce que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des enfants, mais quand je vois les témoignages, j'en ai marre de pleurer devant ma télé, donc je viens. Eh ben c'est super gentil, merci beaucoup d'être passé. Il y a quelqu'un qui est avec moi au téléphone. Bonjour. Quel est votre prénom? C'est quoi votre prénom? Moi c'est Sophie. Bonjour Sophie, moi c'est Cyril, vous allez bien? Ah, et bien et vous? Bah ça va, tranquille. Donc, c'est à vous qu'il faut demander ça. Ouais, bah, vous savez qu'avec tous les messages qu'on reçoit, avec tous les gens qui se déplacent, ça peut que aller bien. Vous nous envoyez une force, une énergie de dingue. Donc merci à vous toutes et vous tous de venir sur la place de la Digue, de nous appeler, d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. On n'a pas le temps de répondre à tout le monde parce que voilà, on court un peu beaucoup dans le cube, mais on voit vos messages et ça nous fait super plaisir. Qu'est-ce qui vous amène ici à l'antenne, Sophie? Mais écoutez, je voulais vous donner l'énergie que vous nous avez donnée pendant 6 jours. Et donc pour ça, je vous mets un petit Martin Solveig pour... Eh ben, c'est le petit Martin Solveig qui va bien à cette heure-ci, parce qu'on en a besoin à 3h23 de la sortie. Oui, surtout je vois la tête que... Dites, c'est pas gentil pour l'équipe du maquillage. Vous savez que... Ah mais non, mais pas du tout. Notre maquilleuse tout à l'heure a passé un temps dingue. Mais c'est parce que j'ai vu tout ce que vos collègues de Fun Radio vous ont vu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a mon ancienne équipe de Fun Radio qui est passée il y a 2 nuits et m'ont fait faire des trucs de dingue. Ils savaient forcément, parce qu'on a bossé longtemps ensemble, ils savaient que je détestais tout ce qui était serpent, araignée, insecte et tout ça. Et ils m'ont fait plonger les mains, les yeux bandés dans des boîtes avec un serpent. J'étais pas bien après ça. Ça a été une nuit de folie. Vous avez suivi ça en direct? Non, pas en direct malheureusement, parce que je travaillais la journée, donc moi j'ai dormi, mais j'ai été revoir exprès les images. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis kiné. Kiné. Ah, et ben justement, à cause voilà. de l'équipe de Fun Radio, je me suis coincé le dos. Parce que à un moment, j'ai eu tellement peur que je me suis bloqué. Vous pouvez faire quelque chose pour moi ? Ah oui, certainement que je pourrais venir, oui. Ah, faites-moi un petit massage par téléphone. Ah, allez, attention, je vous prends la nuque. Ah. De mes deux mains. Ah, ça bien fait du bien. Pétrir. Ah, vous oui, faites hein. ça bien, oh, Sophie. C'est toujours votre appel qu'on a ça. Mmh, oh, oui. oh. Ah, Sophie, continuez. Mais... Descendez un peu plus bas. Voilà, ah oui, attendez, j'attends votre point là-haut. Ah, ça c'est parfait. Je pense à quelqu'un qui se branche maintenant sur la radio qui se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer. Ah, Sophie, on est à deux doigts de faire la boulette. Oui, et j'ai vu que Sébastien a l'air coincé de la nuque aussi. Je crois que ça serait utile aux deux. Eh ben, vous venez à la sortie, vous occupez de nous. Ah, bah écoutez, bien volontiers, mais on est loin. Vous êtes d'où? De Virton. Ah, bah on va venir chez vous alors. Ah bah écoutez, je vous accueille avec grand plaisir. Restez chez vous pendant encore 3h22 et après on prend la route, on vient à Virton. D'accord. Ça va. Merci Sophie pour votre don. Vous avez donné combien ? 100 euros. Waouh, 100 euros qu'on ajoute à la cagnotte du Afford Live. Je vous fais des bisous. À bientôt Sophie. Et oui. À bientôt Cyril, merci. Et on écoute votre morceau, Martin Solveig. Voici Hello dans Via For Life. Et pendant ce temps-là, vous appelez le call center 0800 30 007. Faites vos dons, on vous attend. Ça met en forme là cet après-midi ici en direct sur la place de la Digue à Charleroi, sur le live center rtbf.be, sur Télésambre aussi et puis à la radio sur ViaCité avec vous toutes et vous tous qui vous, nous soutenez et qui faites vos dons 0800 30 007. Cet argent sert concrètement tout au long de l'année et on en parle régulièrement avec Madame Cause, Bénédicte qui est là. Ça va toujours Bénédicte ? Mais ça va bien, et vous ? Bah ça va, on est à 3h18 et 30 secondes de la sortie et aussi bien on est hyper content d'être ici, autant on a hâte, non pas spécialement de sortir mais de découvrir le montant que grâce à vous, on aura pu récolter ce soir. Pendant que Cubi est en train de faire des conneries, reste sur la table, Cubi, tu vas faire des bêtises. De quoi est-ce qu'on parle maintenant, Bénédicte ? Alors, on parle de l'association Arbège, direction Genneval, dans le Brabant wallon. Et nous avons par téléphone Angélique Wouters. Bonjour Angélique. Bonjour à tous. Alors, parlez-nous de votre association Arpège. En fait, Arpège est une maison de la famille qui organise en fait un ensemble d'activités culturelles, artistiques et ludiques à la destination des familles. Et on a une attention particulière pour les plus démunies d'entre elles. Donc, voilà. Et donc, vous demandez l'aide de Viva for Life. Vous faites partie des associations qui ont déposé un projet auprès de Viva for Life. Pourquoi vous sollicitez l'aide de Viva for Life ? En fait, voilà, notre projet, c'est les enfants d'abord. Voilà, c'est important pour nous parce qu'en fait, on voudrait développer notre pôle petite enfance. En fait, on a trois pôles. On aimerait bien faire des accueils style bébé rencontre pour les 0 à 3 ans, où les parents pourraient se rencontrer et faire des activités avec leurs enfants, ainsi que des accueils durant les matinées, où les parents qui ont besoin de souffler ou qui ont besoin de faire des démarches administratives pourraient déposer leur enfant, ainsi que des accueils après 4 heures. Donc voilà, on aimerait bien leur offrir ça de manière plus régulière. On le fait déjà un petit peu, mais voilà. Très bien. Pour avoir une offre plus grande, on aimerait bien... Merci Angélique pour votre témoignage. Voilà comment vous pourriez aider des associations comme celle-ci en faisant votre don 0800 30 007, le site internet vivaforlife.be, le SMS au 4001, vous tapez votre numéro de compte suivi d'un espace, suivi du montant que vous souhaitez donner. Et moi je suis un peu comme vous Cyril, je suis impatiente de découvrir ce beau montant tout à l'heure. Mais il faut encore agir. Il faut encore donner, il faut encore y aller. J'espère vraiment que tout à l'heure, on pourra découvrir un montant plus beau, plus grand que les 2 100 000 euros de l'année dernière. Et on y arrivera uniquement si vous continuez à vous mobiliser. 0800 30 007. Il vous reste quoi, 3h16 pour le faire. Attention parce que ça peut passer super vite. Vous êtes peut-être en route pour aller faire des courses dans un magasin. S'il y a un petit peu de monde après le temps de rentrer, vous serez en retard et vous direz eh bah zut, c'est terminé, Viva for Life. Donc on compte vraiment sur vous pour le faire. Maintenant, prenez quelques secondes. On a fait le test déjà plusieurs fois en direct. Quand on appelle le call center, en une minute c'est réglé. Même 30 secondes. Et en plus vous avez une équipe qui est au top, qui vous attend au call center Enalo à Gosselies. Donc on compte sur vous. 0800 30 007, faites vos dons et partagez la musique qui a du cœur. On l'écoute ensemble dans la nouvelle heure de Via for Life qui arrive. Si Cubi accepte de bouger de l'écran, parce que je vais pas vous mentir, pour le moment je ne peux plus rien faire si ce n'est vous lancer de la pub dans 30 secondes, parce que Cubi a squatté l'écran qui nous permet de diffuser la musique. Il est couché dessus et je ne peux plus rien faire. L'équipe technique ne peut plus rien faire parce que c'est des écrans tactiles et le corps de Cubi empêche de bouger les souris et de déclencher les sons. Donc Cubi, on va essayer. Je sais que ça te dérange parce qu'il a essayé de mordre tout à l'heure quand je l'ai bougé. Cubi, on va pendant les infos, on va quand même aller faire un petit tour pour qu'on puisse continuer cette émission, parce que sinon si on doit parler pendant 3h15, on va avoir un petit peu de mal. On revient juste après les infos de 16h dans Via for Life. Cette semaine, Flair soutient Viva for Life et donne la parole à de jeunes mamans célibataires. La précarité, elles connaissent et la défient chaque jour. Flair, il faut le flair. Offrez des fleurs, c'est du bonheur. Pour que les fêtes soient plus belles, j'offre des fleurs naturelles. Alors pour Noël et l'année nouvelle, je prévois des brassées de roses, de frésia, de lys et d'amaryllis achetées chez mon fleuriste. Pour les fêtes, faites comme moi, pensez fleurs. De Vos. Où est Lemons? J'ai écrit un chant de Noël. Ah, bien, vas-y. Jingle grill, andalous et brochette. Oh. Tous à table. Si ça ne trouve pas l'ambiance en Noël, alors... Ouais, mais enfin, si l'andalous suffit pas, on prend la samouraï. Oui. La voilà. La samouraï qui met l'ambiance en Noël. De Vos Lemons. À table. Vous écoutez Vivacité, il est 16h. Le journal est présenté par Marianne Brillot. Alors que la France va inscrire le régime d'état d'urgence dans sa constitution, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un couple est en garde à vue depuis hier soir à Montpellier. Il s'agit d'une jeune Française convertie à l'islam et de son compagnon. Lors d'une perquisition à leur domicile, les enquêteurs ont découvert un mystérieux faux ventre de femme enceinte. Ces gardes à vue interviennent alors que la tension est forte en France, à quelques heures des fêtes de fin d'année et un mois et demi après les attentats qui ont fait 130 morts. Le faux ventre de femme enceinte aurait pu servir à dissimuler des objets, disent les enquêteurs. Il était recouvert d'une couche d'aluminium. Aucun explosif n'a été retrouvé, mais l'analyse des ordinateurs du couple montre que des photos de djihadistes ont été consultées. Des recherches sur la fabrication d'engins explosifs ont également été effectuées. Le devoir de vérité, c'est de répéter que la menace n'a jamais été aussi élevée. Déclaration aujourd'hui du Premier ministre français, Manuel Valls. Les syndicats des chemins de fer disent vouloir limiter les conséquences des grèves du mois de janvier sur les examens des étudiants. Ils ont donc décidé aujourd'hui de postposer trois dates, celles des 21, 22 et 23 janvier. Mais les deux autres dates de préavis restent maintenues. Il s'agit des dates du 6 et 7 janvier. Pour gérer la crise des migrants, la Belgique reçoit un soutien européen de quelque 5 millions d'euros. Une grande partie de cette somme sera consacrée à l'accueil d'urgence et à la fourniture de nourriture. L'Espagne, confrontée à des incendies de forêt plutôt inhabituels en cette saison, mais là-bas aussi, les températures sont élevées, entre 17 et 19 degrés dans le nord du pays. Un pilote du service des pompiers qui luttait contre un feu de forêt est mort cet après-midi dans la chute de son hélicoptère. Cela s'est passé dans la région rurale des Asturies. En football, le joueur de la Gantoise Benito Raman ne pourra sans doute pas se contenter du petit match de suspension que lui a infligé son club après le chant homophobe qu'il a entonné sur le terrain dimanche soir. L'Union belge a en effet décidé de renvoyer le joueur devant la commission des litiges. Il risque au minimum une suspension de 5 matchs. Anderlecht peut revenir à 3 points de la Gantoise ce soir. Les Mauves qui jouent à Lokeren, c'est un match d'alignement. Un match qui devait normalement être joué le 21 novembre et qui avait été annulé à cause de la menace terroriste. À 17h, le journal de Vivacité, ce sera avec Jérémy Gipter. On retourne à Charleroi. On est de retour à Charleroi avec Cubi qui a fait des conneries, comme je vous le disais il y a un instant. Donc, pour le moment, pas de musique. Alors, est-ce que vous connaissez une chanson sur la place de la Digue? On va faire un truc. Qu'est-ce que vous pouvez me faire comme chanson? Sarah, tout à l'heure, elle a fait un truc, c'est Charleroi, go, go, go. Je vous dis Charleroi, vous faites go, go, go. D'accord, vous êtes prêts? Charleroi? On vous entend pas. En régie, il faut ouvrir le micro à l'extérieur, s'il vous plaît. Charleroi? Plus fort, on dirait que vous êtes deux, là. Charleroi? Charleroi? Et go, go, go, téléphone 0800 30 007. On compte sur vous pour encore faire vos dons. Il vous reste 3h10 pour le faire. Un point RTBF Mobile Info, tout de suite Adrien Demey. Et ça ralentit vers la France sur le 19, sur le 42, 19 tronçons communs venant de Mons. Vous perdez environ une trentaine de minutes sur votre trajet à partir de Dours. Ça coince assez fortement, 3 km de congestion trafic jusqu'à la frontière à Anzy vers la France. Attention également à ces débris de palettes qui se trouvent sur le National 25, c'est au niveau de Genappe. La chaussée est donc entravée, encombrée à cet endroit autour du kilomètre 42 vers Nivelles et puis sur la petite ceinture bruxelloise, le trafic ralentit dans le tunnel Rogier en direction de Kuckelberg. Encore des embûches sur la route? Heureusement qu'il y a des bûches de Noël au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. CoraWine.be. Ce sont tous les vins de Cora livrés chez vous. Excellente nouvelle pour les connaisseurs. Un choix comme ça, c'est sur CoraWine.be. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Viva for life. Viva for life. De 14h à 18h avec Cyril. On est en direct encore pendant 3h, 9 minutes et 27 secondes. Attention, attention. Il est temps, il est l'heure, faites vos dons. Il y a des enfants qui comptent sur vous. 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui vivent dans la pauvreté. Ça veut dire aussi un enfant sur 10. 10% des enfants qui ne mangent pas 3 repas par jour. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Évidemment, entre 0 et 6 ans, il faut s'alimenter correctement. Ça paraît peut-être stupide, mais il faut construire son corps correctement. Et quand des enfants ne peuvent pas manger justement des repas équilibrés tous les jours, ben voilà, c'est une défaillance dans leur construction, dans leur apprentissage. C'est des enfants qui ne peuvent pas parfois aller à l'école parce que les parents n'ont simplement pas les moyens. quotidien. Et c'est pas que le coût de l'école, c'est parfois les à côté. On avait eu un témoignage de parents qui ne pouvaient simplement plus mettre leurs enfants à l'école parfois quand il n'y a plus de linge en fin de mois et on n'arrive pas à payer ces linges. Et du coup, c'est des enfants qui restent à la maison, qui sont exclus socialement. Évidemment, c'est pas normal. Et grâce à vous, on va arriver à faire bouger les choses. Et pour ça, il faut que vous appeliez. Dépêchez-vous, il ne vous reste que 3 heures. Ça va super vite, 3 heures. 0800 30 007. Allô, bonjour. Anna, comment allez-vous ? Bonjour, oui, bien. Oh, vous avez une voix toute souriante, Anna. Vous êtes de quelle région ? De Bastogne. De Bastogne. Ça va, il fait pas trop froid à Bastogne ? Non, ça va. Je suis allé à Bastogne pour la tournée Viva for Life, vous savez, avec nos amis de chez Belfius. On est passé de ville en ville sur des petites animations. D'ailleurs, j'ai découvert à Bastogne la pipe d'Ardenne. C'était très bon. Je précise, c'est une saucisse, hein, c'est ça, c'est une saucisse sèche. Oui, oui. Hein. Voilà, que les esprits mal tournés ne se disent pas n'importe quoi. Et ce jour-là, ça, figurez-vous qu'il neigeait. Et je suis allé au Mardasson, c'est le mémorial qui est à Bastogne, hein, vous confirmez, c'est là-bas. Oui, c'est ça. Et je suis monté au-dessus. J'ai failli tomber à cause de la neige, vous vous rendez compte ? Hop là, jambes cassées, boum, directement. Ça m'étonne pas. Qu'est-ce qui vous amène, Anna ? Bah, tout petit don. Ouais, vous avez donné combien ? Je sais plus exactement. Eh ben moi, je vous le dis, 25 euros vous avez donné. Hop là. D'accord. Et vous avez choisi quelle chanson ? Je crois que c'était Please Don't Go, je pense. Eh ben exactement, c'est ça que vous avez demandé. Et c'est ce qu'on va écouter, vous avez mis un petit message aussi. Oui. Quel est ce petit message ? On peut savoir ou c'est top secret ? Non, pas du tout. Allez, dites-nous. J'ai quitté mon pays il y a plusieurs années. Et c'est une chanson qu'on m'a dédiée, que mes amis m'ont dédiée quand je suis partie de là-bas. Et vous êtes partie d'où ? Du Portugal. D'accord. Eh bien, Anna, on vous fait plaisir. On passe cette chanson. Et merci pour le petit geste que vous avez fait, même le gros geste 25 euros. C'est super sympa. Et tout à l'heure, quand on découvrira ensemble le montant ici sur la place de la Digue, eh bien, vous aurez participé à ce montant. Ce sera grâce à vous aussi, Anna. Je vous embrasse. Je vous fais des bisous. Bon après-midi. Merci beaucoup. Bonne fête à tout le monde. À bientôt. Bonne fête à vous. À bientôt. Viva for life. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Babe, I love you so, please I want you to know, please that I'm gonna please miss your love, please the minute you walk out that door, please don't go. W, c'est le choix d'Anna. Si vous aussi vous avez envie d'écouter une musique, partagez-la, allez-y. Il vous reste 3h, 2 minutes, 40 secondes. Ça va filer à une vitesse ces 3 dernières heures, donc on compte sur vous pour appeler ce call center 0800 30 007. Tout à l'heure, il y a un défi qui m'a été lancé par l'équipe du call center, par Caroline Dor qui est là-bas. Je vais devoir chanter la chanson de Zazie Tout le monde avec les prénoms des bénévoles qui sont là-bas au call center Enalo à Gosselies. On se fera ça tout à l'heure. Restez bien dans le coin. On va aller à la boîte aux lettres tout de suite. Est-ce que vous nous entendez à la boîte aux lettres? Le son est mis à l'extérieur. Bonjour la boîte aux lettres, qui est là? Pardon. C'est quoi votre prénom? Gérard. Gérard. Gérard, vous travaillez à la tech. Ah, j'en suis le président et je suis accompagné Didier Gilson, qui en est le directeur général. Est-ce que vous avez fait grève pour venir nous voir aujourd'hui? Absolument pas, c'est une fausse idée qui malheureusement malmène quelque peu le tech, parce qu'en réalité, nous avons des gens de grand talent. La preuve, c'est qu'ils se sont investis à l'égard de votre opération tellement généreuse. Alors, c'est vrai que c'est une petite vanne sur la tech qui est parfois en grève. Ça vous arrive peu souvent, mais quand même. Oui, mais il ne faut pas en faire une légende que bien du contraire. D'ailleurs, je tiens à rappeler que l'an dernier, à part les grèves sectorielles, nous n'avons pas eu ce genre de soucis à déplorer. Et puis, vous aidez énormément de gens qui ont besoin des transports en commun pour se déplacer. Incontestablement. Vos chauffeurs et toute votre équipe s'est mobilisée. Vous avez fait quoi? Pardon? Vous avez fait quoi pour récolter de l'argent? Eh bien, c'est vraiment des actes de bénévolat, en ce sens que sur le terrain, nous avons rencontré des personnes et nous leur avons proposé nos clés USB qui ont été accueillies avec beaucoup de succès. Et au total, c'est un chèque de combien qui rentre dans la cagnotte du Via 4 Life? 4000 euros. Waouh! Merci beaucoup à l'équipe du Tech. C'est le Tech de Charleroi? Oui, uniquement. Eh bien voilà, merci beaucoup à vous. C'est super sympa pour les enfants. On peut applaudir à l'extérieur, merci effectivement, beaucoup. Il y en a qui applaudissent, parce merci. Que déjà pour transporter autant de gens toute l'année et puis pour le chèque que vous avez fait. Merci à vous, c'est super sympa. Félicitations. 0800 30 007, vous continuez à faire vos dons, c'est hyper important. On va passer ensemble le cap des 3 heures dans 40 secondes. 3 heures avant la sortie de ce cube. Tout à l'heure, c'est Marraine qui nous sortira ici. C'est Marraine qui viendra nous délivrer de ce cube. Elle sera en choquée ce soir sur la place de la digue. Et Kid Noise, un Carolo Kid Noise, avec, vous savez, c'est le singe. Alors, une légende dit que c'est un masque. Moi, je connais, c'est un vrai. C'est un vrai singe. Il est super sympa. Il sera tout à l'heure ici, sur la place de la digue aussi, en showcase. On compte sur vous pour être un maximum de monde sur la place. Et puis, vous pourrez suivre tout ça aussi sur le Live Center, bien sûr, si vous n'êtes pas dans le coin. Dans 3 heures, dans 10 secondes, on passe le cap des 3 heures ensemble en direct. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Plus que 3 heures à passer ensemble. 0800 30 007, on compte sur vous pour vous bouger sur ces 3 dernières heures. En ce moment, à l'achat d'un véhicule neuf Volkswagen, Volkswagen utilitaire, Audi, Seat ou Skoda, vous bénéficiez de 2 ans de maintenance gratuite. Oui, oui, vous entendez bien. Pour fêter la fin de l'année, nous vous offrons 24 mensualités à la signature d'un contrat de maintenance WeCar de minimum 3 ans. Infos et conditions chez votre distributeur ou sur WeCar.be. Moi, à Noël, j'aime plutôt préparer des plats traditionnels. Alors là, il n'y a pas plus traditionnel que notre fameuse dinde. Un petit. Ah, la dinde, c'est le plat qu'on attend tous, hein, monsieur Marc. Et la nôtre, alors, elle est tellement tendre, juteuse. En plus, chez nous, pour la dinde, on a aussi une longue tradition de tout petit prix. Mmh. Ça va, petit? Ça va, et vous? Jusqu'à jeudi, chez Carrefour Market, notre délicieuse dinde est à seulement 3,78€ le kilo. Joyeuses fêtes! Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Dans un monde qui change, vos sentiments ont encore plus de valeur. Jusqu'au 15 janvier, soutenez les banques alimentaires en déposant vos centimes rouges et jaunes dans les tirelires présentes dans les agences BNP Paribas Fortis ou Fintro. Aidez-nous à offrir un repas aux plus démunis. Plus d'infos sur centimes.bnpparibasfortis.be. Boire un vin rouge dans un chalet au plaisir d'hiver ou voir la vie en rose dans les boutiques du centre-ville, les fêtes seront colorées à Bruxelles. Rejoignez le centre avec la STIB. Et le soir du Nouvel An, c'est gratuit pour tout le monde. Découvrez les destinations les plus festives sur fête.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Pour les fêtes de fin d'année, inutile de faire la file pour bénéficier des prix les plus bas du marché. Venez chez Red Market, tout simplement. Grâce à notre carte de vœux distribuée aux caisses au bénéfice de Viva for Life, vous économiserez jusqu'à 15 euros de plus. Et vous soutiendrez avec nous les plus démunis grâce à l'action Viva for Life. Red Market, les courses à grande vitesse, moins chères et solidaires. Le 25, les plus grandes voix et les meilleurs crooners se donnent rendez-vous dès 19h sur Vivacité avec Marc Vernon et Bruno Timmers. La musique a du cœur. Partageons-la avec Cyril. battere il muro, che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato stai contento, battere amore, che pace più non avrò, ne avrai, perderemo il sonno, credi di no, i treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo. Ci chiederemo come mai il mondo sa tutto di noi. Magari ti chiamerò rotolina amorosa e tu-tu-ta-ta-ta. Il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi adorerà. Il tuo nome sarà su un cartellone che fa bella pubblicità. Sulla strada per me, io col naso in su, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po', e poi, ancora non lo so, vattene amore, mio barba. Credi di no, sorridente truffatore, battene un po', che pace più non avrò, ne avrai, battene o saranno guai, che piccoli incidenti, caro vedrai, la stellare guerra che ne verrà, il nostro amore sarà lì, tremante e brillante. Innamoroso e tu tu ta ta ta, il tuo nome sarà il freddo e l'oscurità, un gattone arruffato che mi graffierà, il tuo amore sarà un mese di siccità, e il cielo non c'è, pioggia fresca per me, io col naso in su, la testa ci perderò, sempre là, sempre là. Seb adore cette chanson, Seb vient de se réveiller. Amedeo Minghi et Mieta, magnifique. Qu'est-ce que t'as fait sur cette, sur cette chanson? Je, écoute, j'aurais bien voulu. Mais non. Mais c'est là que je me suis dit que j'allais être jardinier. À force de me prendre des râteaux, à un moment, il faut l'assumer. Est-ce que tu veux qu'il y ait un changement de tradition sur cette chanson, si tu t'es pris plein de râteaux? Est-ce que tu veux... Une pelle. Voilà. Bah ouais, est-ce que tu veux un roulage de pelle? Tant qu'à faire, c'est mieux qu'un râteau. Qu'on apporte qui veut sur la place de la digue? Il y a quelqu'un qui veut faire un bisou à Sébastien? Non, c'est bien. Ah, il y a des candidats. Non, bah, voilà, bien, madame bien. En rouge, par la boîte aux lettres, il y a moyen. Bien. C'est bien, non, mais ça va être bien comme ça. Non. Bon, ben tant pis. Désolé, j'aurais essayé madame, il veut pas. 0830 007, vous choisissez la musique, vous faites un don et il y a quelqu'un qui est avec nous au téléphone, c'est Loredana de Flowin. Bonjour Loredana. Bonjour. Comment ça va? Mais bien, très bien, merci. Alors qu'est-ce qui vous amène là dans Via for Life? Je vous écoute tout en faisant des biscuits et je voulais apporter ma petite contribution. Ça veut dire un petit biscuit? Non mais là oui, sincèrement, là, je commence vraiment à voir la dalle. Ça fait 6 jours. Ça fait déjà. Les 6 nuits, elles sont passées. Elles sont passées, les 6 nuits. Oui, complètement décalé, c'est dramatique. Qu'on mange que du liquide, donc soupe, milkshake, jus de fruits. Juste avoir un autre arôme, à un moment, on aimerait bien. Juste avoir du goût, tout simplement. C'est combien d'argent que vous mettez, Loredana? 40 euros. Bah, c'est super gentil. Vous avez demandé quelle chanson? Les Black Eyed Peas. Oui. I got a feeling. Vous dansez là-dessus, Loredana? Oui, beaucoup. Ah bah ça c'est bien. Dommage qu'on puisse pas vous voir en direct à la télé, j'aurais bien voulu.

Black Eyed Peas, I Got a Feeling. On a besoin de vous, 0800 30 007 pour faire vos dons. Et alors, une autre façon de faire vos dons, si vous n'avez pas envie de téléphoner, eh bien, c'est d'acheter les goodies via For Life, entre autres notre magnifique Teddy, notre ourson en peluche qui est super gentil. Il y en a qui l'ont sur la place de la digue, montrez-le à la caméra, comme ça on va montrer tout ça en direct sur le Live Center rtbf.be et sur Télésambre qui nous soutient tous les jours et qui diffuse cette émission en direct. Si vous ne l'avez pas encore, que vous êtes sur la place de la digue, et il y a le chalet Viva For Life où on vous vend les Teddy, il y a les casques aussi, les casques audio à 10 euros, il y a les bonnets de Noël, il y a les pins également, les pins aux couleurs de Viva For Life, on compte sur vous. Et si vous êtes chez vous, si vous êtes au travail, que vous ne pouvez pas venir ici sur place, à la place de la digue, rassurez-vous, on a pensé à vous, il y a la boutique RTBF, vous allez sur vivaforlife.be et vous pouvez acheter vous aussi votre Teddy, il est super gentil, il est adorable et il ira à merveille dans votre chambre, dans votre salon, vous le mettez où vous voulez. Et puis c'est l'argent qui part évidemment aux enfants qui en ont besoin, un enfant sur quatre à Bruxelles et en Wallonie qui vit dans la pauvreté, il faut que ça change, ce n'est pas normal. Et on soutient des associations tout au long de l'année. Le principe, c'est qu'il y a un appel à projet qui a été lancé, 140 associations ont répondu et on va avec votre argent aider ces associations. Bénédicte, on parle de la cause Viva For Life, il y a une nouvelle association dont on va parler tout de suite. Effectivement, la Porte Verte à Bruxelles, et nous avons par téléphone Kenza Neri. Bonjour Kenza. Oui, bonjour. Parlez-nous un petit peu de la Porte Verte. Oui, donc la SB, la Porte Verte, c'est Bunker. Elle se situe à Molenbeek-Saint-Jean, à Bruxelles. Et c'est vraiment un projet social polyvalent. Et on a deux objectifs principaux. C'est la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et donc pour ça, on mène différentes actions. Et notamment la distribution de colis gratuits dans le cadre du centre d'aide alimentaire urgente qui s'appelle le Snebonchubi. Donc 4 fois par semaine, on distribue des colis. Mm-hmm. Pour l'année 2014, on avait à peu près 500 familles avec enfants et la moitié de ces enfants entre 0 et 6 ans. Alors, la bonne nouvelle, je vais dire ça comme ça, c'est que grâce à Viva For Life, vous avez été engagé au sein de la Porte Verte, mais pour une mission très précise. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Donc, ça fait déjà maintenant 2 ans que, notamment grâce à l'aide de Viva For Life, on mène un projet de lutte contre la pauvreté infantile dans le cadre du centre d'aide alimentaire urgente. Et donc, en fait, l'idée de ce projet, c'est divisé en 2 pôles. La première chose, c'est qu'on veut améliorer les colis distribués en prenant en compte les besoins nutritionnels des jeunes enfants, mais aussi on voudrait qu'ils soient généralement plus sains pour les familles et les enfants. Mmh. Et donc là, il faut qu'on arrive à trouver de nouveaux partenariats avec des entreprises ou des associations. Et le deuxième objectif, c'est de mener des actions plus de soutien à la parentalité. Et donc ce soutien, il passe par un accompagnement social plus approfondi grâce à l'équipe de travailleurs sociaux. Non, allez-y, je vous en prie. Mais en fait, et aussi, un des autres pôles, c'est de mettre en place des activités avec les familles et en prenant en compte les besoins et demandes des parents. Et par exemple, pour le moment, on a mené une enquête et la demande qui ressortait, c'est que les personnes voulaient participer à des ateliers cuisine, par exemple. Une action comme celle de Viva For Life, elle est indispensable, selon vous ? Oui, tout à fait. Mais ne fût-ce que pour la sensibilisation des personnes, pour que les personnes se rendent compte de ce qui se passe et de la réalité, de ce que vivent beaucoup de familles avec jeunes enfants. Et on sent que ça devient de plus en plus préoccupant comme problématique, la pauvreté infantile. Et en plus de ça, il faut aussi avouer que l'aide financière aide énormément parce qu'on n'est pas subsidié dans le cadre de l'aide alimentaire. C'est un secteur qui n'est pas reconnu et donc c'est vraiment grâce à vos dons qu'on y arrive. Et donc un tout grand merci. Voilà, on vous a sensibilisé toute cette semaine à cette cause, on vous a informé. Donc comme le disait Patrick Bruel, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas... On n'a pas pris connaissance de ce phénomène. Forcément, et avec des cas concrets, il y a eu beaucoup de témoignages à la boîte aux lettres, beaucoup de témoignages grâce à vous, Bénédicte, et c'est des familles qui réellement en ont besoin. On n'est pas juste là pour récolter de l'argent et après faire les guignols après. C'est de l'argent qui va concrètement dans les associations et on est tout à fait transparent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent ce qu'on fait de cet argent. Vous pouvez retrouver la répartition de cet argent, les associations, la liste des associations qui sont soutenues sur vivaforlife.be, et on peut expliquer aux gens comment ça va se passer, c'est-à-dire qu'en février, il y a l'équipe de CAC 48 et For Life qui se réunit pour sélectionner les associations qui vont être aidées en fonction des appels à projets qui ont été faits. Voilà, effectivement, même avant, au mois de janvier, un jury de spécialistes. Il y aura l'ONE, la Fondation Roi Baudouin. Ce jury est présidé par Bernard DeVos, délégué général aux droits de l'enfant. Et donc ces personnes vont se réunir, vont sélectionner ces projets et on pourra vous annoncer toutes les associations retenues dans le courant du mois de février. Et ben voilà, on fait au plus vite, hein, une fois que l'argent est arrivé, on fait au plus vite pour aider. Parce que c'est urgent de faire quelque chose. chose, non seulement pour ces enfants qui sont dans la précarité, et puis en ce qui vous concerne, bah, c'est urgent parce qu'il vous reste 2h43. 0830 007, il est temps d'appeler si vous ne l'avez pas encore fait. On compte sur vous, vous choisissez la musique que vous avez envie d'écouter et on l'écoute dans un instant. Merci Bénédicte, à tout merci à l'heure. Viva for Life, avec nos partenaires. On aime tous prendre soin de ceux qu'on aime. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Gaz, électricité, solidarité. Aurès soutient Viva for Life. Ce soir, après 6 jours et 6 nuits, le cube de verre de la place de la Digue à Charleroi va rouvrir ses portes. Mais avant de libérer Sarah, Sébastien et Cyril, Zazie, marraine de l'opération, vous donne rendez-vous dès 17h sur le podium de Viva for Life. Et à partir de 19h, participez à l'émission télé en direct sur la Une. Assistez à la sortie des 3 animateurs et au grand show final avec Kid Noise. Viva for Life, la musique a du cœur. En télé sur la Une, Cat Centris, coach dans The Voice. Nous, ce qu'on recherche, c'est juste quelqu'un qui a des émotions à faire passer et l'aider. Il faut pousser les artistes à s'épanouir. On attend vraiment un échange de cette expérience. The Voice Belgique, l'incroyable pouvoir d'une voix, dès le mardi 5 janvier sur la Une. Kipak de Kitrade Bank, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Demandez quand même à votre banque si elle a une meilleure offre et comparez sur kitradebank.be. Il y a longtemps, je me trouvais dans un GSM. Et moi dans une foreuse. Et on nous a abandonnés au garage. C'est nul. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bebat, car Bebat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bebat. Bebat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Deleuze présente les tables de Noël de toutes les familles. Aujourd'hui, la parole est à Georges. Moi, à Noël, je prépare des petits toasts au saumon que je rehausse d'une tranche d'oignon rouge, de citron et de cafre. En plus, chez Deleuze, jusqu'au 24 décembre, le saumon norvégien élevé en fjord est au prix exceptionnel de 5,99€ les 8 tranches. Deleuze, bien acheté. Bien fêté! Voler dans l'eau, c'est pas possible. Bien sûr qu'on peut voler dans l'eau. C'est ça, sur la Lune. Mais non, Aqualibi avec le Flash, le nouveau toboggan qui part en chute libre. Allez, on y va. Ouais! Osez la chute libre aquatique. Découvrez le nouveau toboggan Flash à Aqualibi. Aqualibi soutient tous les enfants. 1 euro par ticket sera reversé à Viva for Life. Aqualibi, un monde d'aquasensations. Viva for Life, la musique est du cœur. Partageons-la. Il vous reste encore un petit peu de temps pour le faire. Je dis un petit peu parce que vraiment ça file 2h40 et 25 secondes. Vivaforlife.be pour choisir la musique ou le call center 0830 007. Dans un instant, le défi qui m'a été lancé par Caroline Dor, je le relèverai avec Sébastien qui s'est réveillé et qui sera là avec nous dans un instant. Et puis je vous présenterai Vincent, notre nounou aussi, qui va venir chanter autour de la table dans un instant. Il adore ça, il adore chanter. Je vous fais ça dans quelques minutes. L'idée c'est de chanter la chanson de Zazie Tout le monde avec tous les prénoms des bénévoles qui sont au call center en ce moment. Mais avant, nous avons de la visite dans ce cube de verre. Et il va y avoir du sport encore, j'ai l'impression, puisque nous avons les Coal Miners. C'est une équipe de football américain, les Flag Football. Comment ça va, les gars? Bonjour, il y a Mickaël qui va prendre le micro. Salut Mickaël, installe-toi. Il y a un micro juste face à toi. T'es balèze quand même. je n'ai rien fait. Ne me fais pas de mal, je n'ai rien fait. Non, on n'a pas pris les plus méchants avant. Comment ça va, les gars? Ça va. Alors, vous êtes une équipe de foot américain de Charleroi. C'est bien ça. Et alors, le principe, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas le football américain, parce qu'on a l'habitude d'en voir à la télé. C'est physique, vous bastonnez un petit peu, vous donnez des coups d'épaule, ça? Plus que des coups d'épaule, c'est un sport de contact avant tout. Séparé en deux parties, le flag football, donc les plus jeunes qui eux jouent sans contact, sans protection. Ouais. C'est un peu le principe du jeu du foulard où ils doivent attraper, déflaguer le porteur du ballon. Et puis vous avez le football américain, le tackle avec casque épaulière. Et là où oui, ça bassonne un peu quoi. Ouais, voilà. Alors vous avez des maillots qui portent le logo Viva for Life. Voilà, donc on a fait faire 10 maillots spécifiques pour l'événement aujourd'hui. D'accord. Donc pour accompagner Kid Noise sur scène. Ouais. Et ces maillots sont en vente. Donc 5 sont déjà vendus et 5 seront mis en vente tout à l'heure au profit de l'opération. Des maillots qu'on va dédicacer d'ailleurs, Seb, Sarah et moi. Donc c'est ces maillots-là qui vont être mis en vente tout à l'heure. Oui, c'est bien ça. Alors, sauf si vous voulez pas en disant hey, pourquoi il y a trois cons qui sont allés écrire au feutre sur un maillot. Ça, vous pouvez nous le dire aussi. À ce moment-là, on les signe pas, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup les gars. Tiens, tant que vous êtes là, on n'a pas de ballon pour faire du foot américain, mais on a des petites boules en mousse, enfin pas en mousse, mais des petites boules souples de pétanque. On sait un petit match ici dans le cube, mais avec ça. Oh, il y a moyen. On va essayer. Nous, on a un chat. Hein. Avec Ubi, pourquoi pas. Il fait semblant de dormir pour pas être dérangé, pour pas faire ça. On va faire ça, c'est à suivre en direct sur le Live Center rtbf.be et sur Télésambre en ce moment en direct. Les gars, merci beaucoup. Vous avez forcément pas encore récolté d'argent puisque ce sera fait tout à l'heure. On découvrira votre chèque. Mais en fait, on a déjà une partie aujourd'hui. Ah. Donc, des premiers maillots et d'une collecte organisée au sein des joueurs. Et c'est combien, on peut savoir? Ici, on est à 390 euros. Oh, génial. Et on espère en toucher 300 avec les 5 derniers maillots. Eh ben, on compte sur vous pour vous mobiliser. Donc ça, c'est une vente qui se fait ici, sur la place de la Digue. Tout à l'heure, à Charleroi, on compte sur vous pour être là. Merci beaucoup d'être passé. Et puis, le temps d'écouter les White Stripes, Seven Nation Army, qui a été demandé par Anne et qui a donné 40 euros. Bon, on se fait le petit match ici, dans le cube de verre, à Charleroi. On ira prendre la température au call center dans un instant, le call center Enalo à Gusly, pour voir si ça continue à appeler. On compte sur vous, 0830 007, juste le temps de faire une toute petite pause. On revient en direct de Charleroi. La soirée de clôture de Viva for Life, le final d'une semaine pleine d'émotions. Rendez-vous place de la Digue à Charleroi pour accueillir Sarah, Sébastien et Cyril à leur sortie du cube. Découvrir le montant récolté et participer au grand show de clôture avec Zazie et Kid Noise. À suivre en direct ce 23 décembre dès 18h30 sur Vivacité et en télé sur la Une. Belfius et Viva for Life, 100% d'engagement pour les enfants. Belfius, banque et assurance. C'est moi, Hip. C'est bientôt Noël et votre hypermarché Carrefour va vous emballer avec ses prix bas. Allez, par exemple, la dinde de Noël à seulement 3,78€ le kilo. Oui, 3,78€. Bam ! Mais attention, c'est seulement jusqu'au 24 décembre. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Il est de retour dans son costume rouge, passant de cheminée en cheminée, prêt à tout pour accomplir sa mission. En décembre, soyez prêts pour le Père Noël, le retour. BTV, Hollywoodise les fêtes et dépose sous le sapin les meilleurs films inédits et des séries exclusives comme Cendrillon, Fast and Furious 7 et Under the Dome saison 3. En ce moment, BTV est à 24,90€ par mois pendant 6 mois. Abonnez-vous au 02 730 40 50. BTV, déchaînez-vous. Ah oui, déchaînez-vous. Offre soumise à condition. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, un numéro spécial Noël avec des étiquettes cadeaux et des cartes postales. Joyeuses fêtes avec Femmes d'aujourd'hui. Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. Pour les fêtes de fin d'année à petit prix, embarquez immédiatement chez Red Market. Le champagne Pierre de Brie est à seulement 9,89€. Profitez en plus de votre coupon promotionnel de 6€ à l'achat de 6 bouteilles. Red Market, les courses à grande vitesse, moins chères et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. RTBF Mobile Info, Adrien Demey, que se passe-t-il sur les routes cet après-midi ? Adrien, vous êtes là ? On va à Perex. Est-ce que Adrien... Alors, à Perex, ils sont aussi enfermés. Ils sont enfermés longtemps. Et puis, de temps en temps, il faut aller aux toilettes. Vous avez bien tiré la chasse, Adrien ? Ben, je vous propose de venir voir tout à l'heure. Et... bon, ça ira. Que se passe-t-il sur les routes ? Ça ralentit toujours vers la France. On a encore une congestion de trafic très importante. Venant de Mons, sur le 42 en direction de Lille, une quarantaine de minutes perdues à partir d'Autrage vers la frontière située en Zy, donc en direction de la France. Ça ralentit également au cœur de Bruxelles, sur la petite ceinture vers le midi, du tunnel Arlois au tunnel Trône, et puis vers Kuckelberg également, dans le tunnel Louise et le tunnel Roger, et puis trafic ralenti également vers le centre-ville via le tunnel Stéphanie. Encore des embûches sur la route ? Heureusement qu'il y a des bûches de Noël au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva for life ! Viva for life ! La musique a du cœur. Partageons-la. On prend la direction du call center Enalo tout de suite, où nous attend Caroline Dor. Tout va bien au call center ? Oui, ça commence à chauffer drôlement au call center. On est à plus de 6000 appels. Ça explose à 10 000. Donc, je compte sur vous. Il reste quelques heures seulement. Je veux absolument que ce call center explose. 10 000 appels, c'est notre défi. 2h30 tout pile. Juste, je vous compte, Caroline. 2h30. 2h30 tout pile. On vient de passer cette durée-là. Eh bien voilà, dans 2h30, je veux qu'on atteigne les 10 000 appels ici au call center Enalo à Gosselies. Faites chauffer les téléphones 0800 30 007, 0800 30 007. Vous serez accueillis par Mélanie, Katrina, Philippe, mais à propos Cyril, les prénoms, vous les connaissez aussi ? Ah ben bien sûr, j'ai reçu la liste des prénoms, vous m'avez lancé un défi tout à l'heure, on le rappelle Caroline ? Allez, je vous ai lancé le défi de chanter sur la chanson de Zazie, que vous connaissez bien forcément, tout le monde, il est beau. Il y a une série de prénoms, et cette fois-ci, je vous demande de chanter cette chanson avec tous les prénoms des oh là là, ils sont plus de 60 maintenant, et ça a augmenté depuis tout à l'heure, de la centaine de bénévoles qui étaient ici. Bon, je n'ai pas mis les 100, parce qu'il y a des prénoms qui sont en commun, mais c'est votre défi à vous. J'espère que vous allez relever, parce que moi, j'ai relevé votre défi, tout et à ça fait. M'a coûté. Tout à l'heure, plus vous deviez... amis demandent sur Facebook. Vous deviez être... appeler au call center, ce serait bien. Exactement, vous deviez être en James Bond Girl Sexy. Oui. On a la photo qui est publiée sur la page Facebook Viva for Life. Allez voir Caroline Dor avec James Bond à côté pas, en plus. Mais téléphonez au 0800 30 00 07, c'est plus important que la photo. Et si les mêmes nouvelles demandes d'amis pouvaient téléphoner, bah écoutez, voilà, ce serait pas mal. Et alors, sur le Live Center et sur Télésambre, on revoit à nouveau cette photo que vous avez prise tout à l'heure, Caroline. Si, bah, c'est fait, c'est trop tard. Alors, comme c'est la chanson Tout le monde, on va le faire avec tout le monde qui est en studio ici. Alors, il y a déjà Vincent, notre nounou, sans Vincent, on serait sérieusement, on serait par terre, on serait écroulé parce que Vincent, et c'est lui qui dort le moins, je pense, dans ce cube, à nous préparer nos soupes, nos milkshakes, à tout moment de la journée, il est là. Ben ouais, on est chouchouté. Dès que ça va pas, il est avec nous. Merci Vincent pour tout ce que tu as fait pendant toute la semaine. Avec plaisir, Cyril. Bah, lui et Vincent, on tient aussi dans la chanson. Ben, on va faire ça. Et puis, il y a l'équipe télé aussi qui est avec nous. Tous les soirs, il y a la quotidienne, 18h30, 19h20. Alors, c'est une partie de l'équipe télé parce que c'est des centaines de personnes qui bossent sur Via for Life. On a Romina qui est avec nous. On va chanter tous ensemble. Notre régisseur plateau aussi, celui qui nous dit le soir, et c'est notre GPS le soir, il nous dit va t'asseoir là-bas, lève-toi, va-t'en, reviens. On va tous se mettre autour de cette table et on va chanter pour tout. Et ouais, on va se chanter pour les bénévoles qui sont au call center. On a tous la liste, c'est parti, attention. Il est beau, tous ensemble. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est beau. Ils vont arriver au prénom, hein. Tout le monde, il est beau. Mélanie, Katrina, Philippe, Hélène, Rémi, Sylvia, Claudia, Jérôme, Kevin, Valérie, Anne, Aline, Pierre, Daniel, Benoît, Jacqueline, ben oui, on les entend, Isabelle, Vincent, Julie, Hakim, Laura, Thierry, Liliane, Claire, Béatrice, Doriane, Claudie, Sandrine, Fabienne, Jérôme, Dominique, Séverine, Gaetano, Audrey, Hamza, Béné, Renaud, Gaël, Camille, Isabelle, Blandine, Nathanaël, Aurélie, Florence, Damien. Il est beau. Tout le monde, il est beau. Merci à tous les bénévoles. Merci à vous, Caroline. Merci, vous applaudir aussi pour cette fabuleuse chanson. Faites du bruit. Merci toute l'équipe du call center Inalo. Et c'est pas fini, il faut encore se donner à fond. Bah, vous avez raison de le préciser. On compte sur vous, continuez à faire vos dons. Merci à toute l'équipe qui était autour de cette table et qui m'a aidé à chanter. Tout seul, ça aurait donné n'importe quoi, mais grâce à vous, je pense qu'on peut faire un single, on peut faire des ventes. Christophe Willem, Double Jeu, c'est ce qu'on écoute maintenant. Ça a été demandé par Dory de Dilbé qui elle donne 50 euros. Merci beaucoup, Dory. Quand je serai Bee Gees, ou bien pilote de Formule 1. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. Le rouge, le noir, le blues, l'espoir noir. De toutes les couleurs, je me vois. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? jeu, Christophe Willem, que vous avez demandé de partager cette musique à du cœur. Et grâce à cette musique, bah, c'est encore un don qui rentre dans la cagnotte Viva for Life. On découvrira le montant. On découvrira le montant tout à l'heure dans 2h23 exactement quand Zazie viendra nous sortir de ce cube. On passe à la boîte aux lettres tout de suite. Qui est là? Bonjour. Oui, bonjour. C'est Eddie qui est là. Je suis Eddie Leroy, le coiffeur de chez Renzo. D'accord. Avec Martin et Renzo, bien sûr. Et malheureusement, on n'a que récolté que 90 euros. Mais comment ça, malheureusement, c'est très bien, 90 euros. Vous avez fait des coupes au profit de Viva for Life. Tu crois que c'est bien? Bah, bien sûr que c'est bien. Chaque voilà. petit geste, c'est énorme. Et c'est avec ça qu'on va découvrir un bon montant tout à l'heure. Merci, le coiffeur Enzo. Merci, salut, merci à vous, c'est super sympa. On revient dans un instant pour la suite de Viva for Life. On est encore en direct pendant 2h22. Et pendant ce temps-là, pendant la pause, vous appelez 0800 30 007. On compte sur vous, on se mobilise jusqu'au bout. Le guide gourmet de Cora. Des milliers d'idées pour les gourmets gourmands. Et aussi pour les gourmands gourmets. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Banque Olivier, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Dites, j'ai vu chez Keytrade Bank, en fait, ils font une offre Keypack où tout est gratuit. Le compte à vue, la carte de banque, et même la carte Visa. Et en plus, ils payent 5 cents par transaction, vu qu'on fait tout online. Vous faites ça aussi, vous? Écoutez, chaque banque a ses propres règles. Vous savez, si vous voulez recevoir chaque fois 5 cents, vous devriez aller voir Keytrade, je pense, oui. Keypack de Keytrade Bank. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Demandez quand même à votre banque si elle a une meilleure offre et comparez sur keytradebank.be. Et nous retrouvons le Père Noël en direct de son chalet. Oh, c'est presque Noël et j'ai pas fini ma tournée. Ça va être ma fête. Vite sur crefel.be. Il y a des tas d'idées cadeaux à des super prix. Et si je commande aujourd'hui, les cadeaux seront à temps sous le sapin. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Chérie, on prend à nouveau du foie gras cette année? Oui, et on va même aller l'acheter jeudi chez Intermarché. Ce jeudi, grâce à votre carte de fidélité Intermarché, le bloc de foie gras de canard avec morceau 200 grammes Guillaume Dunois est en 1 plus 1 gratis. Vous aussi, fêtez plus, dépensez moins. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ce soir, après 6 jours et 6 nuits, le cube de verre de la place de la Digue à Charleroi va rouvrir ses portes. Mais avant de libérer Sarah, Sébastien et Cyril, Zazie, marraine de l'opération, vous donne rendez-vous dès 17h sur le podium de Viva for Life. Et à partir de 19h, participez à l'émission télé en direct sur la Une. Assistez à la sortie des 3 animateurs et au grand show final avec Kid Noise. Viva for Life, la musique a du cœur. Le 25, les plus grandes voix et les meilleurs crooners se donnent rendez-vous dès 19h sur Vivacité avec Marc Vernon et Bruno Timers. On n'irait pas à Bruxelles acheter mes nouvelles chaussures? Ah, et pourquoi pas près de chez nous? On va quand même pas faire tous les magasins de chaussures du coin pour savoir s'ils les ont. Je cherche sur localizy.com. J'ai trouvé 4 magasins tout près de chez nous les proposent. Et en plus, chez l'un d'eux, elles sont en promo. Le commerce autrement. localizy.com. localizy.com. Viva for life, Viva for life. La musique a du cœur. Partageons-la. Énormément de monde qui se mobilise, on vous remercie. 0830 007, vous pouvez encore le faire bien sûr. Et il faut le faire jusqu'au bout, 2h19, 35 secondes. C'est le temps qu'il vous reste pour appeler, pour donner, pour aider ces enfants qui sont dans la précarité. Un enfant sur quatre qui ne grandit pas correctement, qui n'a pas les moyens de grandir entre 0 et 6 ans, de se former correctement. C'est à cet âge-là que beaucoup de choses se font, que les repas doivent être corrects pour avoir un corps bien formé, pour pouvoir après aller à l'école, pour s'instruire, pour avoir de la culture. Et donc beaucoup trop d'enfants ne peuvent accéder à tout ça. Grâce à vous, on peut changer les choses. 0830 007 et grâce au Club Business for Charleroi aussi qui est à la boîte aux lettres. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour Viva for Life? Bah, écoutez, on était chaud pour le logo 3D de la ville de Charleroi, évidemment pour un club d'affaires qui s'appelle Business for Charleroi. Ouais. Mais le logo qui est dédicacé ici, qui est dans le cube et qui était aux enchères. Mais on s'est fait coiffer juste sur le poteau. Ah. Et puis on en a vite discuté ensemble et on a décidé de remettre cette mise avec un don tout à fait gratuit. Donc nous venons avec un chèque de 2500 euros. Waouh. Merci beaucoup au Club Business for Charleroi. 2 500 euros, bah c'est super sympa. Merci à vous. C'est super, c'est vraiment super. Voilà, n'hésitez pas à continuer vous aussi. Alors là, c'est un son de 2 500 euros. C'est un don et pas un son, un don de 2 500 euros. Mais si vous avez quelques pièces, ça marche aussi. Venez à la boîte aux lettres sur la place de la Digue. Appelez le call center 0800 30 007. Un autre moyen de faire un don, eh bien, c'est de repartir avec notre magnifique Teddy, l'ours en peluche. Si vous ne l'avez pas encore, dépêchez-vous, il nous en reste quelques-uns, donc faut pas traîner. Vivaforlife.be pour l'acheter, ça c'est pour la boutique en ligne, ou alors ici sur le chalet, dans le chalet Vivaforlife sur la place de la Digue. Ce petit, oula, il y a de la pub. Prix. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. C'est moi qui ai fait des bêtises. C'est de la pub qui ne doit pas partir tout de suite. C'est pas grave. Ce Teddy qui sert à plein de choses. Vous pouvez éventuellement caler des livres avec dans une bibliothèque. Il sert à faire des câlins. Il fait des bisous également. Et il sert à rendre peut-être vos enfants heureux. C'est un magnifique cadeau de Noël. N'hésitez pas. Venez le chercher sur viveforlife.be, la boutique en ligne, ou au call center. Qu'est-ce que je dis? Je raconte des conneries. Ou au chalet ici sur la place de la Digue. Dans un instant, la suite de la musique avec peut-être. Peut-être ça. Peut-être Madcon, si vous avez envie de l'écouter, appelez le call center 0830 007. Peut-être Calvin Harris. Vous êtes plutôt Justin Bieber. Eh bah, pas de soucis, on peut le passer. On compte sur vous. Bonne fin de journée à tous. Le ciel va à nouveau se couvrir, mais le temps restera sec ce soir et cette nuit. Il fera un petit peu plus frais, il y a 4 à 8 degrés pour la nuit. Et puis demain, un ciel assez bien nuageux. Les éclaircies seront plus rares qu'aujourd'hui. On attend de 9 à 13 degrés. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi, soit la nuit du réveillon, que de la pluie va nous revenir. 3 à 8 degrés pour les minima. Et puis le jour de Noël, d'abord une matinée encore assez grise. Et puis l'après-midi, une zone de pluie plus active qui va arriver par la frontière française. On notera des maxima compris entre 6 et 10 degrés. Un repas de fête 100% bio? Oui, c'est possible, grâce à Biofagne. Biofagne. Votre supermarché bio à Neupré et à Teux. Biofagne.be. La force est puissante dans notre famille. Rendez-vous sans plus attendre dans l'univers Fiat pour profiter de conditions exceptionnelles de fin d'année sur toute la gamme. Embarquez vite chez votre distributeur Lana. Lana, boulevard Zénogramme 33 à Herstal. Viva for Life! Salut, c'est Alice Arnoux. Salut à tous, c'est Thomas Dutronc. Salut, c'est Vianney. Faites comme nous. Soutenez Viva for Life. Viva for Life. Viva for Life. La musique a du cœur. Partageons-la. Faites un don au compte 8x0 37 37. Info vivaforlife.be. L'agriculture de Wallonie soutient Viva for Life. Ça vient d'ici, ça vient du cœur. Envoyez vos vœux avec l'app Storygram de Proximus et soutenez Viva for Life. So cooking. Un plat qui mijote, quelques épices et un Pinot des Charentes. Pinot des Charentes, à savourer tout en sagesse, blanc, rouge, rosé. Offrez des fleurs, c'est du bonheur. Pour que les fêtes soient plus belles, j'offre des fleurs naturelles. Alors pour Noël et l'année nouvelle, je prévois des brassées de roses, de fraisia, de lys et d'amaryllis achetées chez mon fleuriste. Pour les fêtes, faites comme moi, pensez fleurs. Le Spar de Lucie. Waouh, Lucie, mais tu t'es mise sur ton 31, tu es magnifique. Oh, merci. C'est juste mes cheveux, tu sais, puis une petite robe de soirée. Il manque juste le repas de fête. Eh ben voilà, ta commande est prête. Ah, oh, merci Anne. Dis donc, tu mets moins de temps à la préparer que moi à maquiller, je crois. Spar Colruyt Group. Toujours avantageux. Même pendant les fêtes. 5 boules vanille et des pépites de chocolat. Mais bien sûr. Neckerman, vous êtes en vacances. Réservez maintenant et recevez jusqu'à 350 euros de réduction first minute par personne. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Voici les titres de l'actualité. Des lots de dafalgan pédiatrique retirés de la vente. Le Luxembourg rappelle aussi les flacons déjà vendus, pas la Belgique, nous verrons pourquoi. Les syndicats des cheminots modifient leur préavis de grève sur le rail. Il n'y aura pas d'action les 21, 22 et 23 janvier. Elles auront lieu plus tard pour ne pas trop perturber les examens. Nous avons eu l'occasion d'entrer en contact avec des représentants des étudiants. Et donc, preuve qu'on est capable, je dirais, de dialoguer. Donc, nous avons répondu positivement. Cela dit, les cheminots maintiennent les grèves du 6 et 7 janvier qui tombent aussi pendant la session d'examen. Le coup de gueule des traducteurs, la justice fait des économies sur notre dos, dit leur union professionnelle. C'est ce qui explique le retardement du procès de Bernard Westphal. Des projets d'attentats au Bataclan, l'info circulait déjà au sein des renseignements français depuis 2010, affirme le magazine Le Point. Nous vous expliquerons pourquoi rien n'a été fait. Un drone qui s'écrase à un cheveu d'un skieur en Italie. Quelles sont les mesures de sécurité lors des événements sportifs? Un journaliste spécialisé nous apportera son éclairage. Le journal est présenté par Jérémy Gilter. Bonsoir à tous, c'est l'un des antidouleurs les plus utilisés chez les enfants, le Dafalgan pédiatrique. La vente de plusieurs lots de ce médicament vient d'être suspendue en Belgique mais aussi en France et au Luxembourg. Le produit risque d'avoir été contaminé par du plastique. En plus du retrait des lots, le Luxembourg a décidé de rappeler les Dafalgan pédiatriques déjà vendus, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Pourquoi ces différences? La réponse avec Bruno Schmitz. C'est l'entreprise elle-même qui l'a constaté. Des traces de polyuréthane, une sorte de mousse isolante, ont été découvertes sur une machine qui transportait les bouchons des bouteilles de Dafalgan. Le producteur français a alors directement contacté l'institution responsable des médicaments dans l'Hexagone, institution qui a à son tour prévenu les agences des autres pays, dont celle de la Belgique, Anne Ecout, sa porte-parole. L'autorité française a pris en compte que, un, on n'a pas encore détecté des produits contaminés, et deux, l'analyse du toxicologique ne parle pas d'un risque pour la santé du patient. Et pour ça, ils ont dit le retrait jusqu'au niveau des officines, distributeurs et hôpitaux nous semble suffisant. Précisons tout de même que ces analyses ont été réalisées par l'entreprise pharmaceutique elle-même. La Belgique a alors suivi les recommandations françaises, mais pas le Luxembourg, qui a décidé d'aller plus loin en rappelant les lots litigieux. Une précaution supplémentaire. Chaque autorité est libre d'aller plus loin. Une précaution pas nécessaire à ce stade, selon la Belgique. D'autant que les risques pour la santé seraient très limités, affirme un toxicologue que nous avons contacté. Mais cela prouve que l'Europe a encore du mal à parler d'une seule voix, même en matière de médicaments. Les explications de Bruno Schmitt sur ces lots de Dafalgan pédiatriques retirés de la vente. Un accord sur la grève annoncée sur le rail en janvier, pas avec le gouvernement, non, sur ce plan-là, c'est toujours le dialogue de sourds, mais les syndicats des cheminots se sont entendus avec l'UNECOF, l'Union des étudiants francophones. Pas question de renoncer à la grève, le préavis est maintenu pour les 6 et 7 janvier, début de la période d'examen dans les universités et les hautes écoles. Par contre, les grèves annoncées pour les 21, 22 et 23 janvier, celles-là sont reportées après la session. Les nouvelles dates seront fixées plus tard. C'est la preuve qu'on est ouvert à la discussion, dit Michel Abdissi, le président de la CGSP cheminot. Rappelez-vous que malgré tout, le politique, les représentants des chemins de fer ont toujours, je dirais, démontré qu'on n'était pas en capacité de négocier. On a clairement dit qu'on n'apportait aucun élément dans tout ce qui était concertation. Et donc ici, nous avons eu l'occasion d'entrer en contact avec des représentants des étudiants. Et donc, preuve qu'on est capable, je dirais, de dialoguer. Donc tout s'est bien passé. Nous avons compris la situation catastrophique dans laquelle on pouvait à un moment donné placer les étudiants. Donc nous avons répondu positivement. Michel Abdissi de la CGSP cheminot au micro de Pierre Magos. Année record pour l'aéroport de Bruxelles National. En 2015, 23 millions de passagers sont passés par le hall de Zaventem. Tous les types de vols sont en augmentation. Le low cost, mais aussi les liaisons long courrier. Il faut dire que le transport aérien est en hausse au niveau international et il devrait encore progresser de 2 à 3% dans les 10 prochaines années. Les traductions bon marché menacent la justice. C'est le message lancé par les traducteurs après le report du procès de Bernard Westphal. Le procès ne commencera qu'en septembre prochain parce que certaines pièces du dossier n'ont pas été traduites. L'affaire illustre visiblement un problème de fond. José Dore est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union professionnelle des traducteurs et interprètes assermentés. Ça ne vous étonne pas ce problème, ce retard dans la procédure? Vous dites aujourd'hui il y a de plus en plus de problèmes dans les traductions de dossiers criminels? En effet, oui. Il y a de plus en plus de problèmes dans les dossiers criminels. On préfère épargner qu'avoir une justice équitable. Et donc, ce qu'on fait, c'est vraiment ne plus traduire des pièces essentielles dans les procédures. Et c'est le cas dans le fameux dossier Westphal. Donc, c'est un problème de coût. Donc, on ne prend plus la peine de payer des traductions. Ça coûte trop cher. Oui. Donc, déjà, les tarifs qui sont payés aux traducteurs sont dérisoires. C'est vraiment un quart ou un cinquième comparé aux pays avoisinants. Comparé aux tarifs privés, c'est aussi un quart ou un cinquième. Et on nous paye aussi avec des retards énormes. Hein. Donc en 2014, la moyenne de retard de paiement était de 140 jours. Mmh. Est-ce qu'il y a un problème aussi de qualité du coût de la traduction? La traduction n'est pas vraiment de qualité. On imagine que c'est des dossiers assez sensibles. Souvent, il faut être très précis dans la traduction. Il faut être très très précis dans la traduction, c'est vraiment très important. Le rôle d'un traducteur assermenté ou d'un interprète assermenté est essentiel dans la procédure. Et il y a aussi la directive européenne qui stipule, voilà, il faut garantir une qualité. Et pour garantir une qualité, il faut payer le prix. Et donc il faudra augmenter le budget x2 ou x3, il faudra le multiplier. Mais le ministre de la Justice ne veut pas encore se rendre compte de cette situation-là. Des problèmes de traduction dans un dossier judiciaire, ça peut avoir des conséquences importantes? Oui, certainement. Il y a des gens qui ont été acquittés parce qu'il n'y avait pas d'interprète ou parce que la traduction n'était pas bien faite. Donc vous tirez vraiment la sonnette d'alarme aujourd'hui? Pas seulement aujourd'hui, on tire déjà la sonnette d'alarme depuis un an. On est déjà en parler avec le ministre, mais la mentalité dans le cabinet est qu'il faut épargner et ils ne veulent pas payer le montant qu'il faut payer. Merci d'avoir répondu à nos questions, José Dor, président de l'Union professionnelle des traducteurs et interprètes assermentés. Une relation sexuelle en échange d'un cours d'auto-école aux Pays-Bas n'est pas illégale, pas souhaitable, dit le gouvernement néerlandais, mais pas illégale, à condition que ce soit le moniteur qui propose de se faire payer en nature et pas l'élève qui offre ses charmes, sinon ce serait du racolage. Les ministres précisent aussi que l'élève doit être majeur et consentant. Ça, c'est pour la légalité des choses, mais sur le plan moral, cette pratique a de quoi interpeller, d'autant qu'elle semble prendre de l'ampleur aux Pays-Bas. Michel Fries est sociologue au CNRS, le Centre de la Recherche Scientifique à Paris. Il y voit un certain désengagement de l'État et des valeurs en perte de vitesse. Cette histoire dit beaucoup des caractéristiques de nos sociétés occidentales en particulier, bon, qui sont des sociétés à la fois marchandes, des sociétés individualistes et des sociétés en crise. Des sociétés individualistes, ça veut dire que nous sommes chacun de nous un individu roi, invité par la société, eh bien, à se bricoler notre code de conduite. Donc à définir nous-mêmes ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Voilà. Et donc chacun, évidemment, utilise ce qu'il a envie d'utiliser, y compris le corps, voilà, pour obtenir satisfaction. Donc ça traduit quand même un brouillage des repères. Il peut y avoir évidemment une tendance de l'État à dire, eh bien écoutez, débrouillez-vous. Le sociologue français Michel Fies, interrogé par Catherine Tonnerreau sur ses cours d'auto-école payés en nature aux Pays-Bas. Aurait-on pu éviter les attentats du 13 novembre à Paris? Oui, affirme le magazine français Le Point. Le magazine révèle que la cellule qui a opéré au Bataclan et qui a fait 89 morts, que cette cellule était dans le viseur du renseignement français depuis 2010. Mais il semble que les services n'aient jamais réussi à prouver les projets d'attentats contre cette salle de spectacle. Notre correspondant à Paris, Aurélien Tirard, nous explique pourquoi. Si la cellule terroriste visée par la DGSI, le renseignement français il y a 5 ans, s'avère être la même que celle du Bataclan qui a agi cette année, alors il s'agit de l'histoire d'un véritable raté. Tout commence en 2010, lorsque le ministère de l'Intérieur égyptien interpelle une cellule terroriste suite à l'attentat du Caire en 2009. Parmi les personnes arrêtées, un Belge de 24 ans, Farouk Ben Abbès. Ce dernier détient de nombreux textes djihadistes et des techniques de fabrication d'explosifs. Farouk Ben Abbès est accusé de vouloir s'en prendre au Bataclan. Mais l'enquête patine et ce Belge bénéficie d'un non-lieu. lieu. La faute au service égyptien qui ne coopère pas. Les avocats des parties civiles de l'attentat du Caire demandent à verser le dossier du projet d'attentat au Bataclan à celui du Caire en vain, alors que l'enquête montre que les frères Klein, ceux qui ont revendiqué les attentats du 13 novembre, pourraient se cacher derrière tous ces attentats depuis 2009. Mais faute d'une mauvaise coopération et d'interrogatoires pratiqués sous la torture en Égypte, rien n'a pu être prouvé et la cellule terroriste, si c'est bien la même, aurait donc pu attaquer Paris en toute impunité ce 13 novembre. À Paris, Aurélien Tirard pour la RTBF. Ces attentats ont en tout cas poussé le gouvernement français à revoir la Constitution et à y inscrire le régime d'état d'urgence en cas de menace terroriste. Le gouvernement français a également approuvé ce matin une mesure controversée, le retrait de la nationalité française aux individus coupables d'actes de terrorisme. Ça concerne les citoyens qui ont la double nationalité et qui sont nés en France. Anderlecht peut revenir à 3 points de la Gantoise ce soir. Les Mauves jouent à Lokeren. C'est un match d'alignement. Il devait normalement être joué le 21 novembre, mais il avait été annulé à cause de la menace terroriste. Benito Raman ne s'en sortira pas à si bon compte. Le joueur de la Gantoise a été suspendu pour un match par son club parce qu'il avait chanté un chant homophobe dimanche soir sur le terrain. Mais l'Union belge a décidé d'aller plus loin. Benito Raman va devoir comparaître devant la commission des litiges. Il risque 5 matchs de suspension minimum et 18 000 euros d'amende. On a frôlé le drame hier à Madonna di Campiglio en Italie. Un drone, un petit avion téléguidé qui filmait une compétition de ski. Un drone s'est écrasé sur la piste. Il est tombé à quelques centièmes de seconde après le passage de l'Autrichien Marcel Hirscher, l'un des meilleurs skieurs du monde. Chez nous, ce genre de drone de plus de 5 kilos n'est pas autorisé, surtout en public. Mais il y en a de plus petits et dans des manifestations privées. Sébastien Boulanger est journaliste spécialisé dans l'équitation. Il utilise des drones depuis plusieurs années. Il parle des mesures de sécurité qui sont prises. Il existe des sécurités, oui et non. Il y a un pilote de drone, généralement à travers une télécommande. Maintenant, il y a des sécurités qui existent malgré tout. Par exemple, quand il y a une perte de transmission entre la télécommande et le drone, celui-ci peut revenir au-dessus de l'endroit d'où il a décollé et puis réatterrir. Mais ça, seuls certains drones ont ce type de dispositif. La législation italienne, évidemment, n'est pas la même. On se dit quand même qu'ils ont pris des risques et que ça aurait vraiment pu tourner mal, ce qui s'est passé hier. Oui, clairement, c'est un gros risque qu'ils ont pris. Nous, on s'interdit sur nombre de compétitions parce qu'il y a du public et c'est clair que ça donne des images superbes. C'est un intérêt indéniable. Mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Si on blesse quelqu'un, si ça tombe en public, les conséquences peuvent être tellement graves que c'est tout l'événement qui est remis en cause. Donc on ne prend pas le risque. Sébastien Boulanger, interrogé par Gaëtan Van Kerkom. La Fédération internationale de ski a ouvert une enquête après cet accident. C'était la première fois qu'un drone était utilisé en Coupe du monde de ski alpin. Vous pouvez voir les images de cet incident sur le site internet de la RTBF. C'est aussi du sport, en tout cas, ça demande de la condition physique et de l'habileté. La danse et le grand soir pour Loïc Notet. Le jeune artiste belge est le grand favori de la finale de danse avec les stars qui aura lieu tout à l'heure. Ses supporters suivront le concours français sur un écran géant à Trasny près de Charleroi. C'est là que Loïc Notet a pris ses premiers cours de danse à l'âge de 8 ans. Bientôt la délivrance pour Sarah, Sébastien et Cyril. Dans 2 heures, les 3 animateurs sortiront du studio de verre installé place de la Digue à Charleroi. C'est Zazie qui viendra déverrouiller la porte. Zazie, la marraine de Viva for Life. En attendant, les dons continuent d'affluer pour aider les enfants défavorisés. Sarah Devaux a pu le constater, les bénévoles du call center ont encore beaucoup de boulot. Call Center Viva for Life, bonjour. Il se relaie depuis 6 jours, de 7h du matin à 21h30 le soir. Les 60 bénévoles du call center Viva for Life font du pain sur la planche. Chacun d'entre eux reçoit jusqu'à 200 appels par jour. Et depuis ce matin, dernier jour de l'opération, les téléphones chauffent. Aujourd'hui, ça n'arrête pas. Les autres jours, c'était un peu plus calme. Mais là, il y a de l'action, donc c'est chouette. Alors, il y a un don qui vient de tomber, là. Oui, tout à fait, à l'instant. Mais c'est vrai que cette année, les dons sont plus élevés, il me semble. C'est plus 40, 50, 100 euros. Du coup, ça fait plaisir aussi de voir comme les gens sont touchés, sensibles à la cause. C'est vraiment agréable. Bonjour. Certains travaillent chez Enalo, la société qui accueille le call center Viva for Life. D'autres sont membres d'ASBL ou de simples citoyens. Philippe en est à sa 2e édition. Deuxième expérience, avec grand plaisir, comme ça pour pour une bonne cause, il n'y a pas de souci. D'autres profitent des vacances pour consacrer quelques heures à l'opération, comme Hakim, 13 ans. Le plus gros que j'ai eu, c'est 3000, enfin presque 3000, 2887. Je souhaite avoir un peu plus gros don, car là je suis qu'à 15 000. Et que 15 000, c'est pas beaucoup pour aider des gens. L'an dernier, l'opération avait permis de donner un coup de pouce à 50 associations grâce à plus de 2 100 000 euros de dons. Un record à battre. Merci madame, au revoir. Le reportage de Sarah Deveau, call center de Viva for Life. Et puis l'opération est dans sa dernière ligne droite. Vous l'écoutez toujours. Effectivement, dernière ligne droite, on vient de passer les 2 heures sur le chronomètre, 1h58 et 41 secondes. Zazie va venir nous libérer quand on sera à zéro sur ce chrono. On fait un point RTBF Mobile Info, Adrien Demey. Oui, et ça ralentit toujours vers la France, venant de Mons sur cette 42. Une quarantaine de minutes perdues, c'est conséquent. Une quarantaine de minutes perdues à partir d'Autrage, en direction de cette frontière d'Anzy, en direction donc de la France. À Bruxelles, sur la petite ceinture, un véhicule se trouve en panne dans le tunnel Roger. La bande de droite est encombrée vers le midi et ça ralentit d'ailleurs sur cette petite ceinture depuis le Harlois jusqu'au Trône vers le midi, depuis le Louise, dans le Louise et dans le Rogier vers Kokelberg et dans le tunnel Stéphanie en direction du centre-ville. Après vous être farci les embouteillages, offrez-vous de bonnes petites cailles chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva for life! Viva for life! Sarah Depadua, Sébastien Nolveau et Cyril. Et c'est un moment rare, nous sommes tous réveillés en même temps. Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être hâte de sortir. Bah peut-être, j'ai l'impression que c'est ça. Les valises sont faites, moi. Tu as fait tes valises? Ouais. Bah moi j'ai du retard là-dessus, j'ai pas encore fait. Ouais. Sarah, tes valises sont faites? Oui. Oui, bah c'est vrai, on est pressé de sortir. Il faudra encore attendre 1h57 et 20 secondes. C'est pas tant le fait d'aller à l'extérieur, c'est surtout le fait de découvrir le montant que tout le monde a donné. On est entièrement d'accord. J'ai tout compris. J'ai un doute, est-ce qu'on a prévenu Zazie? Bah j'espère. Non mais sans déconner. Franchement, t'imagines? Ah, on me dit que justement elle avait piscine ce soir. Oh bon, on attendra encore un petit peu. Donc Zazie sera là tout à l'heure et elle sera sur la place de la digue pour un showcase tout à l'heure pour tous les Carlos et puis tous ceux de qui viennent d'ailleurs. En Belgique, il y a des gens qui viennent de loin pour venir sur la place de la digue, ça fait super plaisir. Oui. De Nantes à Montaigu, la digue, de Nantes à Montaigu, la digue du cul. Voilà. C'est dit, c'est fait. 0800 30 007, il est grand temps de vous mobiliser parce que, bah, on l'a dit, dans 1h56, 38 secondes, ce sera trop tard. Non. 36 secondes. 35. Non. J'ai dit quoi ? 33. 33. Voilà, ça diminue, ça va vite. Mais ça va tellement vite que vous risquez d'être en retard si vous n'appelez pas maintenant. Ce serait vraiment con, ça. Ce serait con. Si vous avez prévu, effectivement, de donner quelques euros et que vous n'appelez pas maintenant, bah, vous allez passer à côté. Et pourtant, il y a des enfants qui ont besoin de vous. Un enfant sur quatre qui vit sous le seuil de pauvreté à Bruxelles et en Wallonie, c'est beaucoup trop. Vous pouvez changer les choses. Il faut appeler le 0800 30 007 et vous arrivez au call center Enalo à Gosselies où se trouve en ce moment Caroline Dore. Bonjour Caroline. Et Caroline, est-ce que vous êtes là? Notre James Bond girl hyper sexy dont la photo est sur viva4life.be, sur la page Facebook aussi Viva for Life. Elle s'était mobilisée tout à l'heure avec un James Bond au call center. Ça vaut le coup d'œil quand même. Vous la revoyez d'ailleurs si vous êtes sur Télésambre en ce moment ou sur le Live Center. C'est énorme. Caroline, on réessaie encore une fois. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. On retrouve Caroline dans un instant. Juste le temps d'écouter Don't Stop Till You Get Enough. Ça va danser sur la place de la digue. Michael Jackson maintenant. Et c'est un don de 50 euros. C'est beaucoup d'euros, ça fait plaisir. C'est qui l'a fait? C'est Michael Jackson lui-même. De là où il est. On remercie la personne qui a fait ce don de 50 euros. Et on écoute Michael Jackson. Viva for Life. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, just rise. Don't stop till get enough. C'était Michael Jackson. Continue à choisir la musique. Il vous reste 1h51, 22 secondes. On compte sur vous. Vivaforlife.be pour ça, ou alors le call center, l'équipe de Enalo à Gosselies qui vous attend. 0800 30 007. On compte sur vous. Vivaforlife. Avec nos partenaires. Belfius et Viva4Life, 100% d'engagement pour les enfants. Belfius, banque et assurance. Proximus présente Storygram. Tu comptes faire quoi pour Viva4Life cette année ? Non, je comptais envoyer un renne. Un renne ? Tu vas le trouver où ton renne ? Bah, sur mon GSM. Ah ouais ? C'est fou ce qu'on trouve sur Internet. Pour vos vœux de fin d'année, envoyez gratuitement un renne via l'app Storygram. Et soutenez Viva4Life. Téléchargez maintenant l'app. Proximus, infiniment proche. Pour les fêtes, moi, j'aime quand il y a plein de bonnes choses. Ah, nous aussi, les bonnes choses, on aime quand il y en a plein. Un petit. Ah oui, monsieur Marc. Et c'est pour ça qu'on met plein de crevettes grises dans nos bonnes croquettes maison. Et en plus, elles sont faites à la main. C'est pour ça que ce sont de vraies croquettes maison. Sauf que bon, elles sont pas vraiment faites dans ma maison. Moi, j'habite toujours avec ma maman. Elles sont faites ici, chez Carrefour Market. Oui, on a compris, petit. Vous êtes sûr ? Jusqu'à jeudi, chez Carrefour Market, nos croquettes fraîches de crevettes grises sont en 3 plus 1 gratuites. Vous les trouverez à la poissonnerie. Joyeuses fêtes ! Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Au domaine de Senef, découvrez l'exposition Les plaisirs des jardins au XVIIIe siècle. Tous les plaisirs sont dans la nature des jardins au siècle des Lumières. Venez les glaner jusqu'au 6 novembre 2016. Info châteaudesenef.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, Le Soir et la Nouvelle Gazette. C'est un anniversaire éclatant pour la ville de Liège. Voici 11 ans, s'ouvrait chez Sélection au passage Le Mounier la superbe boutique Swarovski, le magicien du cristal. Swarovski, ce sont des bijoux, des montres et bien sûr de merveilleux sujets de cristal. Swarovski, c'est mille et une idées de cadeaux scintillants à ne pas manquer chez Sélection. Passage Le Mounier au cœur de Liège. Liquidation totale avant déménagement chez Timistère à Herve. Moins 30% sur toute la collection hommes et moins 40% pour les femmes. Dépêchez-vous. Ouverture les dimanches 27 décembre et 3 janvier. Timistère, Outrecourt à Herve. Viva for life. La musique a du cœur. Partageons-la. 0800 30 007, il n'est pas trop tard pour faire vos dons. 1h48 et 42 secondes, c'est le temps qu'il vous reste. Dépêchez-vous, ne traînez pas, parce qu'à force de retarder et peut-être d'aller faire une course, s'il y a un peu de monde au magasin, vous serez en retard. 0800 30 007. Il y a de la visite dans ce cube. Nous allons accueillir l'équipe de la Loterie Nationale qui soutient Viva4Life. Merci la Loterie Nationale. On va parler de ce sapin qui était aux enchères. On en parle dans un instant. Je vais accueillir Olivier Alsfeins de la Loterie Nationale. Vous allez nous remettre le chèque. Installez-vous, prenez le micro, mettez le casque. Voilà, on est en direct sur Télécembre, en direct sur le Live Center aussi et sur Vivacité. Comment ça va ? Ça va bien. Merci d'être là. Merci de soutenir Viva4Life. C'est pas la première année que vous êtes là derrière et on sait que vous êtes généreux, qu'on peut compter sur vous chaque année. Vous êtes. Pourquoi est-ce que la Loterie Nationale supporte et soutient Viva4Life ? Mais en fait, c'est une des missions de la Loterie Nationale, c'est de soutenir une série d'opérations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sportives. Et Viva4Life entre vraiment pleinement dans cet objectif-là, à savoir la lutte contre la pauvreté des enfants. Alors vous êtes accompagné de Sylviane Pissord. Qu'est-ce que vous avez mis en place à la Loterie Nationale pour Viva4Life ? Il y a déjà ce magnifique sapin de Noël. Oui, très magnifique, très beau sapin avec une valeur potentielle de 500 000 euros, c'est ça hein ? Même plus. Ah ben, on vous le souhaite. Parlez bien dans le micro. Oui, pardon. Voilà, on vous écoute. Donc il y a 14 boulots remplis de 1200 billets pour une valeur de 3050 euros. D'accord. Voilà, donc et là-dedans, il y a peut-être un millionnaire, pourquoi pas ? Bah, c'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Le sapin, il est parti à 6050 euros aux enchères, hier soir. C'est une magnifique somme, 6050 euros. Tout à fait, oui. Et alors, du coup, bah, vous nous ramenez un beau chèque, la Loterie Nationale ? Oui, on va même un peu l'améliorer, je crois. Oui, je crois que nos fidèles joueurs mais qui soutiennent quand même toutes ces opérations faites par la Loterie Nationale, que ce soit en achetant leurs billets et, dans le réseau physique, que ce soit sur la plateforme Iloto, eh bien, je vous propose de remettre 10 000 euros. Pour 10 000 euros, waouh. Merci beaucoup, la Loterie Nationale. Vous avez le chèque, on peut le montrer à la télé et sur le Live Center. 10 000 euros grâce à la Loterie Nationale. Merci beaucoup de soutenir Viva for Life. Tous les enfants qui sont dans la pauvreté entre 0 et 6 ans pourront bénéficier d'aide grâce aux associations qui sont autour d'eux et qui les soutiennent tout au long de l'année. Et ces 10 000 euros vont vraiment servir concrètement à financer ces associations qui aident tout au long de l'année. Merci beaucoup. Je profite quand même de l'occasion pour remercier tous nos joueurs, nos consommateurs qui nous soutiennent fidèlement. Sans eux, effectivement, il n'y aurait pas ce chèque de 10 000 euros. Mais merci de nous soutenir. Merci d'être venu remettre ce chèque dans le cube. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Vous avez de la chance, vous pouvez déjà sortir. Nous, on attend encore 1h46. On revient dans un instant pour la suite de Viva for Life. Et si on reste encore ici, c'est parce qu'on a besoin de vous. Vous devez vous mobiliser encore. 0800 30 007. Deleuze présente les tables de Noël de toutes les familles. Aujourd'hui, la parole est à Georges. Moi, à Noël, je prépare des petits toasts au saumon que je rehausse d'une tranche d'oignon rouge, de citron et de cavre. En plus, chez Deleuze, jusqu'au 24 décembre, le saumon norvégien élevé en fjord est au prix exceptionnel de 5,99€ les 8 tranches. Deleuze, bien acheté. Bien fêté ! Écoutez, Eurocenter devient Kitchen Market. Et voilà la bûche ! Ah ! Et c'est moi qui l'ai faite ! Allez, je coupe la première tranche pour mamie. Avec un peu de meringue, mamie ! Parce qu'on a tous envie de bien cuisiner, aujourd'hui, il y a Kitchen Market. Petits et gros électroménagers, cuisine équipée, ustensiles Alice Délice et cours de cuisine. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Envie de réussir vos repas de fête ? Foncez chez Kitchen Market et ses 2000 ustensiles Alice Délice, pratiques et pas chers. Dans un monde qui change, vos sentiments ont encore plus de valeur. Jusqu'au 15 janvier, soutenez les banques alimentaires en déposant vos centimes rouges et jaunes dans les tirelires présentes dans les agences BNP Paribas Fortis ou Fintro. Aidez-nous à offrir un repas aux plus démunis. Plus d'infos sur centimes.bnpparibasfortis.be. Où est la mens? J'ai écrit un chant de Noël. Ah, bien, bien, vas-y. Jingle grill, andalous et brochette. Oh. Tous à table. Dis, on va... si ça, ça ne chauffe pas l'ambiance en Noël, alors... Ouais, mais enfin, si l'andalous suffit pas, on prend la samouraï. Oui, la voilà. Voilà. La samouraï qui met l'ambiance en Noël. De vos les mens. À table. Enrico Macias et les 500 choristes. Concert exceptionnel à la Grande Église de Banneux Notre-Dame, dimanche 24 janvier. Retrouvez Enrico Macias, cet artisan de la paix, dans une ambiance très familiale, accompagné par 500 choristes. Un beau cadeau à offrir pour les fêtes, avec Beobank, Fleron, Herve, Pepinster. Info solmania.be. Préparez vos cadeaux de Noël chez Intersport Liège. Venez vite découvrir un très grand choix de cadeaux ski, surf, running, casque, chaussures, vestes, pantalons, sous-vêtements techniques. Et profitez de nos départements location et entretien. Intersport Liège, à Chénet, Quai des Ardennes, 1200 m² dédiés au sport. Intersportliège.be. Viva for Life. Viva for Life. La musique a du cœur. Jusqu'à 18h, partageons-la avec Cyril. Et on la partage tous ensemble. 0800 30 007, il est encore temps de nous appeler. Régulièrement, on fait un point sur la cause Viva for Life. Où va l'argent que vous donnez? Eh bien, il est réparti sur différentes associations. Et Bénédicte, Madame Cause, a fait un boulot dingue pendant toute la semaine pour nous expliquer, pour avoir des témoignages, pour vous présenter concrètement à quoi servait cet argent. Merci Bénédicte pour toute cette semaine, tous ces témoignages. Écoute, ça a été un réel plaisir d'être à vos côtés et de pouvoir effectivement expliquer concrètement à quoi sert tous ces dons, parce que le Belge est généreux, on le sait, et ils sont formidables, et donc j'avais envie de montrer aux gens à quoi sert leur argent, parce que c'est important, on donne mais on a envie de savoir aussi exactement où va son argent. Et donc j'ai passé une excellente semaine avec vous. Et ben nous aussi, viveforlife.be pour retrouver d'ailleurs concrètement où va cet argent. Il y a toute la liste des associations qui sont soutenues. Tiens, on a quelqu'un qui est au téléphone, c'est un auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Je m'appelle Franck. Et vous avez un message, Franck? Alors oui, je suis quelqu'un qui ce soir est très très fier de Madame Cause qui est à vos côtés, puisque je lui fais un très gros bisou à Bénédicte, c'est mon épouse adorée, et je la félicite pour sa formidable semaine. Et je le redis, je suis très fier d'elle. Merci beaucoup. En plus, elle est loin, c'est vrai qu'il y a toute l'équipe. D'ailleurs, c'est pas prévu, mais je voudrais que toute l'équipe qui était en régie lâche tout pendant quelques secondes et vienne dans ce studio, parce qu'il y a du monde qui travaille derrière. Alors tout le monde n'est pas là, mais toute l'équipe qui est tous les après-midi avec moi dans l'oreille, je voudrais que vous lâchiez toutes les commandes de la radio, toutes les commandes de la télé. Vous venez derrière et sincèrement, merci à vous, parce que sinon on ne ferait pas l'émission. Vraiment, vraiment. Voilà. Bravo aussi à vous, Cyril, et bravo à Sarah et Sébastien. Sur la place de la digue, je voudrais que vous applaudissiez les 150 personnes qui travaillent derrière nous. Faites du bruit, s'il vous plaît, vraiment, parce qu'ils sont top. Sans eux, on ne ferait rien. Sincèrement, c'est eux qui, tout au long de la semaine, nous guident, parce qu'il y a un moment où on n'a plus de force, on ne sait juste plus quoi faire, et c'est eux qui sont derrière nous, qui nous motivent et qui nous disent tout ce qu'on doit faire et qui sont là, parce que sinon, on ne tiendrait pas. Une voix dans l'oreille. Voilà, c'est ça. Pour nous dire ce qu'on doit faire, c'est voilà, sans eux, on n'est rien. Et c'est une toute petite partie de l'équipe, parce qu'il y a des gens sur scène, il y a des gens dans les carrégies. Voilà, merci à Philippe Delmel, merci à Anne-Laure, à Adrien, à toutes les équipes télé. C'est des gens qui travaillent des heures et des heures, qui sont loin de leur famille aussi pendant une semaine. Et merci Bénédicte, merci beaucoup. Merci pour cette belle surprise. Et alors, Franck, vous avez un don en plus à faire? Oui, alors je suis, comme tout le monde, très heureux de soutenir Viva for Life, c'est une très belle cause. Je félicite à mon tour toutes les équipes de l'ombre qui œuvrent à cette magnifique réussite. Et je voudrais faire un don de 1 000 euros. 1 000 euros, waouh! Eh ben merci beaucoup Franck, c'est super sympa. Avec plaisir. On vous embrasse. À vous. Merci. Et j'espère que cette année le chiffre sera encore plus impressionnant que les années précédentes. On le découvrira dans 1h40 et 35 secondes. Vous avez choisi quel morceau, Franck? Alors j'ai choisi Sia, I Go to Sleep, et je dédicace évidemment cette chanson à mon épouse, pas pour qu'elle aille dormir, mais parce que ça devrait normalement lui rappeler un très bon souvenir et un très heureux souvenir. Voilà. Eh bien, on écoute, s'il y a quel souvenir, on peut savoir? Ouais. Eh ben, notre mariage. Ah, c'est mignon. Merci Franck, bon après-midi. À bientôt, Cyril. I Go to Sleep. Reprise des Pretenders, magnifique chanson. Elle est belle. Et moi aussi, j'ai des souvenirs sur cette chanson. Ah. Et pas n'importe quel souvenir. Et on n'en saura pas plus. Absolument pas. Il y a du monde qui rentre dans ce cube, ici sur la place de la Digue, le cube de Vervia for Life, qu'on éteindra dans 1h37 Bonjour. Minutes et 53 secondes. Oh, on va arrêter de faire des bêtises. Oui, il y a le grand patron qui est là. C'est le ministre. Jean-Paul Philippot, l'administrateur général de la RTBF, et puis Jean-Claude Marcourt, vice-président du gouvernement wallon et ministre des médias. Jean-Claude Marcourt, ça tombe bien que vous soyez là. J'avais une question, improvisation totale. Qu'est-ce que vous pensez, tiens, de Via for Life? Est-ce que pour vous c'est important que les médias se mobilisent pour les enfants défavorisés? La réalité sociale que nous connaissons en Wallonie et à Bruxelles est une réalité sociale difficile. Et je considère, en tant que ministre de tutelle de la RTBF, que c'est le rôle du service public que non seulement d'attirer l'attention, mais de participer à la lutte contre la pauvreté dans le cadre d'une action politique de tous les gouvernements. Mais vous savez que le gouvernement wallon en a fait une priorité importante. Et donc pour moi, c'est véritablement fondamental de dire il faut soutenir tous ceux qui sont dans la pauvreté et réfléchir à des mécaniques pour surtout faire en sorte que nos jeunes ne soient pas victimes d'une double peine, la pauvreté d'une part, et puis l'échec scolaire et le décrochage social. Et on rappelle que vous pouvez contribuer à ce changement. 0800 30 007, n'hésitez pas à appeler. Il reste 1h36, ouais. C'est pas fini. Il faut y aller, hein. Faut se donner maintenant. On est dans la dernière ligne droite. On va bientôt franchir la ligne d'arrivée du Tour de Wallonie. Et les coureurs, ils y vont à fond dans la dernière ligne droite. Donc c'est allez-y. Le sprint final, ouais. Exactement. 0800 30 007. Jean-Paul Philippot, qui a fait la danse des sardines quand même l'autre jour. Et ça arrive pas souvent dans les bureaux de la RTBF. On vous voit pas souvent faire la danse des sardines. Pourquoi? Vous avez pas le temps? Alors, d'une part, j'ai fait la danse des sardines, mais. On me l'a repassé certainement 10 fois depuis. On est désolé. Ah non, tout est, alors je peux vous assurer que ceux qui me l'ont repassé n'étaient pas charitables, n'étaient pas désolés. Alors c'est un succès de foule, il y a énormément de personnes ce soir sur la place de la Digue pour le showcase de Zazie tout à l'heure, de Kid Noise également. Hier il y avait plus de 6000 personnes. Est-ce que quand on dirige cette société qui est la RTBF avec énormément de monde qui travaille, est-ce qu'on est fier de ce succès-là? On est fier de vous tout d'abord. On est fiers de votre investissement. Et puis derrière vous, c'est la centaine de collaborateurs qui se démènent depuis une semaine. On est aussi très fiers de participer à une aventure qui est une aventure de citoyens wallons, de citoyens bruxellois qui témoignent tous ensemble d'une formidable solidarité. On est fiers de tout ça. On est fiers d'être un petit rouage au bénéfice, au profit d'une lutte qui ne devrait pas exister, mais pour laquelle nous, services publics audiovisuels, eh bien, on est mobilisés parce que ça fait partie de nos valeurs que de respecter chacun et de donner les mêmes chances à chacun. Et donc, moi, je suis fier de travailler dans le service public, moi, quand je travaille sur une action comme ça. Et on est fier de voir la mobilisation des gens, clairement. C'est énorme. Clairement, on est d'accord. Et on remercie une fois de plus, et on le fera toute la soirée, toutes les équipes qui sont derrière et toute la boîte qui s'est mobilisée là derrière. Tout le public qui est devant aussi. Et ça aussi, évidemment, on les oublie pas. Merci à vous qui êtes sur la place de la Digue. Oui, vous saluez parce que, au bout maintenant de pratiquement une semaine d'enfermement, je dirais que. C'est d'abord grâce à vous et grâce à votre animation qu'on parvient aussi à mobiliser. Et donc, moi, je voulais vous dire merci. C'est gentil. Et c'est juste, je trouve sincèrement un peu gênant qu'on nous remercie tant que ça, parce que, en fait, c'est vous qui êtes dehors, c'est vous qui êtes au téléphone, c'est vous qui êtes sur Internet, qui fait que VF4 Life a du succès. Nous, on est juste là, on est enfermés dans un cul pendant une semaine. C'est une toute petite concession par rapport aux 80 000 enfants qui, eux, galèrent tout au long de l'année. Et toutes les associations qui se mobilisent tout au long de l'année, c'est vous qui êtes super. Maintenant, on ne voudrait pas faire perpète, hein. On est enfermés pendant 6 jours, on ne voudrait pas faire perpète. Pourquoi? Parce que cette cause, elle est bien, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. On est d'accord. Exactement. Voilà. Ce serait bien qu'un jour VF4 Life n'existe plus. Ce serait super que VF4 Live n'existe plus. Pour ça, 0800 30 007, vous continuez à faire vos dons. Merci Jean-Claude Marcourt et Jean-Paul Philippot d'être passés nous faire un petit coucou dans le tube. Beauty City. Beauty City, la plus grande parfumerie avec institut de votre région. Toutes les plus grandes marques, des centaines d'idées cadeaux, de nombreux soins en institut dans un cadre convivial et professionnel. Beauty City, la plus grande parfumerie avec institut de votre région, avenue François Cornès à Aiwai. Elle est célèbre depuis plus d'un siècle. Elle détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement votre intérieur. La lampe Berger sera pour les fêtes l'invité d'honneur des magasins Sélection au passage Le Monnier à Liège et rue du Collège à Visé. En cristal ou en pâte de verre, en porcelaine ou en faïence, la collection la plus large des lampes Berger sera chez Sélection pour vous apporter un choix idéal de cadeaux de fin d'année et à un prix très raisonnable. Maison Sélection à Liège et à Visé. Faites-le plein de plaisir au plus de 100 magasins vous attendent tous les jours, même les jours fériés. À Pomerloc à 10 minutes de Bastogne, à Schmiede à 10 minutes de Wilsalm et sur knaufshopping.lu. Viva for life. Salut, c'est Loen. Nous sommes les Innocents. C'est Marie Warne. Nous sommes Laura Pausini. Faites comme nous. Faites un don. Soutenez Viva for Life. La musique a du cœur. Alors partageons-la. Faites un don au compte 8x0 37 37. Info vivaforlife.be. Belfius et Viva for Life, 100% d'engagement pour les enfants. Belfius, banque et assurance. Moi, à Noël, j'aime plutôt préparer des plats traditionnels. Alors là, il n'y a pas plus traditionnel que notre fameuse dinde. Un petit. Ah, la dinde, c'est le plat qu'on attend tous, hein, monsieur Marc. Et la nôtre, alors, elle est tellement tendre, juteuse. En plus, chez nous, pour la dinde, on a aussi une longue tradition de tout petit prix. Ça va, petit? Ça va, et vous? Jusqu'à jeudi, chez Carrefour Market, notre délicieuse dinde est à seulement 3,78€ le kilo. Joyeuses fêtes ! Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, un numéro spécial Noël avec des étiquettes cadeaux et des cartes postales. Joyeuses fêtes avec Femmes d'aujourd'hui. Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. Viva for life. La musique a du cœur. Partageons-la. Vida, c'était Coldplay à l'instant sur Vivacité dans Viva for Life. Il est l'heure d'accueillir ma reine qui est avec nous. Zazie est là. Bonsoir Zazie. Zazie qui fait son entrée, qui fait un bisou à Sarah. Salut, comment tu vas? Ah, vous vous tutoyez déjà, vous? Bah, nous, venez, ça va. Zazie, venez, prenez alors, un micro, comme ça on vous entend bien à la radio. Marine qui nous casque, ouvre la également. Porte dans 1h27, 56 secondes. Alors, et si on l'a gardé qu'on l'a fouillé, voit qu'elle n'a pas les clés dans sa poche. Mais justement, c'est croustille dans mes poches. C'est Patrick Bruel qui a fermé la clé. Est-ce que tu l'as croisé pour qu'il te rende la clé pour nous sortir tout à l'heure? Alors, je vous en ai pas parlé, mais on a un petit souci, on a perdu la clé. C'est drôle. Je suis sûre que vous êtes au bout du rouleau, vous allez adorer mon humour. Ça fait plaisir que tu aies décidé de soutenir via For Life, tu es la marraine de cette athénée. Et pourquoi tu as décidé de soutenir, d'être la marraine de Viva For Life? Parce qu'un enfant sur quatre au-dessous du seuil de la pauvreté, c'est juste impossible, quoi. Voilà, ça peut être le nôtre demain, ça peut être nous aussi. Mm-hmm. Donc ça peut vite basculer. Hein. On a eu des témoignages, des gens qui perdent un travail, qui ont un problème de santé, et tout d'un coup, même si les finances vont bien, mais d'un coup, c'est la misère qui arrive et c'est une galère. Quoi. Moi, ce matin, j'ai Isabelle qui est passée par la boîte aux lettres et puis elle fait un gros bisou, elle donne 10€ et elle dit voilà, mon mari est décédé il y a quelques mois, je suis là avec les quatre enfants. Un seul salaire et donc c'est la galère. Voilà. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser encore. Il reste 1 heure et 26 minutes. C'est maintenant, hein. C'est maintenant. Sinon, Marraine n'est pas contente du tout. Est-ce que Marraine peut justement faire un appel au don ? Il y a une caméra là-bas, juste en face de toi. Est-ce que tu peux demander à tout le monde, alors celle qui est dans le coin là-haut. Tirons en l'air. Voilà. Est-ce que tu peux lancer cet appel ? C'est pas compliqué, il ne vous reste pas beaucoup de temps, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est maintenant ou jamais, parce que c'est déjà super ce que vous avez fait, mais il faut faire plus, toujours plus, et puis après ça va être dingue, on va les libérer, mais on les libère pas si vous faites pas d'appel. Comprenez ? Mayday. Oui. Appelez vite. 0830 007, il faut absolument vous mobiliser. Il y a 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui comptent sur vous. Zazie, il y a un album, une tournée. Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment ? C'est quoi les projets ? Oh, bah là, les projets, c'est de faire des concerts. Donc, ouais. Voilà, c'est bien de faire des concerts et puis faire mon métier, hein, voir des gens. On a hâte. Mais là, pour le moment, mon projet, c'est d'avoir des sous, ok ? Ok, oui, ça va. Ok. On rigole pas. D'ailleurs, Zazie, t'as lancé un défi sur les réseaux sociaux avec le hashtag défi Zazie. Il fallait écrire sur sa main le nom d'une personne chère et puis poster les photos. On fera un point sur ce défi tout à l'heure. Avec plaisir. D'accord. Tu restes avec nous puisque tout à l'heure, il y a le showcase sur la place de la digue. Tout à fait. Et avant ça, tu nous libéreras. Avec des chips. Voilà, en tout cas, bravo à vous quand même, hein. Bah merci. Ah, merci. Merci Marraine. Plaisir. Seb qui est de retour, il a entendu ta voix, il est descendu. Bonjour Seb, ça va ? Ouais. J'ai super peur qu'elle ne vienne pas. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est qu'elle est déjà là. Maintenant, on vérifiera tout à l'heure si elle a la clé. Oui, c'est ça. Je suis pas venue avec moi, j'avais peur d'être dépouillée parce que comme je pense que vous êtes quand même vraiment sur la fin là, ouais. Je l'ai planqué. Oui, mais non, ça c'est pas drôle. Mais je l'ai pas perdu, c'est ça qui est chouette. Il fallait voir un jeu de piste. c'est cool. Non, merci Zazie d'être passée nous voir et à tout à l'heure pour la libération. Mais bon courage, tenez bon. Merci. 0830 0800, on compte sur vous. C'est la dernière ligne droite, 1h25 pour pouvoir faire vos dons. Dépêchez-vous. Zazie part pas avec tout le studio, elle a failli arracher un casque. Déjà. Viva for Life avec nos partenaires. On aime tous prendre soin de ceux qu'on aime. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Gaz, électricité, solidarité. Aurès soutient Viva for Life. Viva for Life. Salut, c'est Loan. Nous sommes les Innocents. C'est Marie Warnon. Nous sommes Laura Pausini. Faites comme nous. Faites un don. Soutenez Viva for Life. La musique a du cœur. Alors partageons-la. Faites un don au compte 8x0 37 37. Info vivaforlife.be. On aime tous prendre soin de ceux qu'on aime. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Gaz, électricité, solidarité. Aurès soutient Viva for Life. Psst, c'est moi, Hip. C'est bientôt Noël et votre hypermarché Carrefour va vous emballer avec ses prix bas. Allez, par exemple, la dinde de Noël à seulement 3,78€ le kilo. Oui, 3,78€. Bam ! Mais attention, c'est seulement jusqu'au 24 décembre. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Des fêtes sans feu d'artifice ? Et pourquoi pas la dinde sans marron tant qu'on y est ? Le plus grand choix de la région vous attend chez Thierry Albert à Louvigné. Fusée, fontaine, volcan, pétard, tout, absolument tout pour être le champion du feu d'artifice de votre quartier. Thierry Albert, spécialiste du jardinage et en hiver du feu d'artifice. Rue du Péréon à Louvigné, ouvert 7 jours sur 7. Viva for life. Viva for life. La musique a du cœur. Partageons-la. Et les visites s'enchaînent dans le cube à 1h23 de la fin. Qui c'est qui rentre ? Mais c'est Marc Rézière, le CEO de Belfius. Belfius, un partenaire fidèle de Viva for Life. Marc, installez-vous autour de cette table. On s'est beaucoup vu sur la préparation de Viva for Life puisque grâce à Belfius, on a fait une énorme tournée à Bruxelles, en Wallonie, un peu partout. On est allé dans toutes les villes pour récolter un maximum d'argent. Merci Marc de soutenir Viva for Life. C'est pas la première fois. Pourquoi c'est important pour Belfius? Avant toute chose, comment allez-vous Cyril? Ça va, hâte de sortir quand même dans 1h22. On est un peu fatigué, mais voir tout le monde qui est là sur la place, de voir tous les gens qui se mobilisent sur les réseaux sociaux et au call center au 0830 007, ça nous donne cette force qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Je trouve d'ailleurs que les les personnes qui sont présentes sur la place, elles devraient vraiment déjà commencer à vous applaudir parce que c'est remarquable. Oh, ils l'ont déjà fait plein de fois. Mais c'est eux qu'on doit applaudir, Marc. Je pense qu'on peut aussi les applaudir, eux, parce que vous êtes super forts et vous êtes courageux de venir ici, de soutenir Viva For Life. Vous faites des dons à la boîte à dons, vous achetez les goodies aussi. Il y a encore Teddy qui est en vente. Merci à vous d'être ici. Alors, donc, Marc, Viva For Life, c'est important pour Belfius. Bien sûr, mais comme je l'ai déjà dit, 25% des enfants en dessous de 6 ans vivent sous le seuil de pauvreté. On ne peut être indifférent à cette situation. Grâce à vous, personne en Wallonie et sur Bruxelles peut se dire inconscient de cette situation. Donc, il est logique que nous soyons là. Alors Belfius a mis beaucoup de choses en place. J'ai dit, il y a eu la tournée Belfius, la tournée Warm Up de Viva For Life. On est passé dans plein de villes. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre pour amener de l'argent et un chèque qu'on découvrira dans un instant? Écoutez, nos agents dans chacune des villes et villages où ils étaient présents ont mis en action que ce soit des gaufres, que ce soit des sapins, que ce soit un tas d'activités. Nos collaborateurs ont également été extrêmement présents pour récolter, je crois, un chèque qui va vous faire particulièrement plaisir. Alors nous allons découvrir ce chèque dans quelques secondes. Quel est le montant du chèque apporté par Belfius ce soir et Marc Rézière, le CEO qui est avec nous dans le Cube de Verre sur la place de la Digue? On le découvre, ce chèque? Alors nous doublons, plus que doublons la mise de l'année dernière, puisque nous sommes maintenant avec un montant de 226 721 euros. Waouh. C'est bien mérité pour vous. Merci beaucoup. Franchement, 226 621 euros. C'est énorme ce qu'on ajoute à la cagnotte Viva For Life grâce à Belfius. Des pépettes. Ah ouais, c'est fort. Wow. Ça donne l'espoir d'exploser le compteur de l'année dernière. 2 100 000 euros. C'est pour vous. Merci. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup, enfants. Marc. D'être passé nous voir. Nous avons une heure et nous sommes tous de tout cœur avec vous. Eh ben c'est gentil. Merci. À tout à l'heure. 1h20 minutes et 30 secondes, c'est le temps qu'il vous reste pour faire vos dons. On compte sur vous. Vous pouvez encore changer les choses, vous pouvez encore faire grimper ce compteur qu'on découvrira tout à l'heure pendant la quotidienne en télé entre 18h30 et 19h20 sur la Une. 0830 007, on compte sur vous. It's a beautiful night. Chanson de Bruno Mars, ça a été demandé par Carole de Mettay, elle a donné 50 euros. Bonjour Carole. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. 50 euros, c'est super gentil ça. C'était avec un grand plaisir. Alors, pourquoi c'est important pour vous de donner cet argent ? En fait, je suis éducatrice dans un SASP, donc c'est une institution qui accueille des enfants de 0 à 6 ans. Oui. Et ils sont aussi dans la même problématique. Et donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur. Eh ben, merci beaucoup pour votre geste, parce que 50 euros plus 50 euros plus les 226 000 euros de Belfius il y a un instant, j'espère sincèrement que tout à l'heure on va arriver à un compteur magique, à un score qui n'a pas encore été fait pendant Viva for Life, et ce sera grâce à vous entre autres. Merci beaucoup Carole. Vous allez suivre tout à l'heure la quotidienne en télé? Pardon? Vous suivrez, regarder, vous serez là sur la une, vous découvrirez le montant avec nous. Dites-moi. Oui, et d'ailleurs, je voulais vous féliciter parce que c'est un magnifique projet que vous faites là, et vous êtes vraiment très courageux. Bah, vous savez, ce qui est fort, c'est surtout les associations qui se battent tout au long de l'année. Nous, on est là pendant 6 jours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière sur nous pendant 6 jours, mais on est juste là pour tirer un grand coup de chapeau à tous ceux qui se mobilisent tout au long de l'année et qui sont auprès des familles en difficulté. On rappelle que c'est un enfant sur 4 à Bruxelles et en Wallonie qui vit sous le seuil de pauvreté et qui ne peut pas grandir correctement entre 0 et 6 ans, et il faut que ça change. Merci Carole d'avoir été avec nous et d'avoir soutenu Viva for Life. Je vous fais des gros bisous au nom de toute l'équipe. À bientôt. Merci. Carole. Dans un instant, c'est Sébastien, Sarah et moi qui allons nous relayer autour de cette table, puisque dans une vingtaine de minutes maintenant, la quotidienne en télé va démarrer. Il nous reste 1h16 minutes à passer ensemble. 1h16 minutes pour que vous fassiez vos dons. 0800 30 007. Plus que jamais, c'est important, c'est la dernière ligne droite. Dans un petit peu plus d'une heure, ce cube s'éteindra. Zazie nous ouvrira la porte, on sortira et ce sera trop tard pour faire des dons. Donc d'ici là, on compte sur vous, mobilisez-vous, montrez-nous que jusqu'au bout, vous êtes là pour ces enfants qui en ont besoin. 0830 007, le SMS aussi 4001, vous tapez votre numéro de compte, un espace et le montant que vous donnez à Viva for Life, ou alors vous avez encore le temps de faire un virement. BE35 8x0 37 37, je rappelle qu'à partir de 40 euros, c'est déductible fiscalement. La météo de Nicolas, et dans un instant, on revient pour le final de Viva for Life. Oh, une averse de petit prix. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Bonne fin de journée à tous. Le ciel va à nouveau se couvrir, mais le temps restera sec ce soir et cette nuit. Il fera un petit peu plus frais, il y a 4 à 8 degrés pour la nuit. Et puis demain, un ciel assez bien nuageux. Les éclaircies seront plus rares qu'aujourd'hui. On attend de 9 à 13 degrés. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi, soit la nuit du réveillon, que de la pluie va nous revenir. 3 à 8 degrés pour les minima. Et puis le jour de Noël, d'abord une matinée encore assez grise. Et puis l'après-midi, une zone de pluie plus active qui va arriver par la frontière française. On notera des maxima compris entre 6 et 10 degrés. Vos courses au meilleur prix, chez Colruyt, c'est notre métier. En fait, je constate que pour les produits comme le saumon, les crevettes ou les chicons, les prix changent quasi tous les jours. Alors chez Colruyt, comment vous faites pour être le moins cher? Eh bien, chez Colruyt, on compare chaque jour tous les prix, aussi pendant les fêtes. Et on diminue nos prix si nécessaire. C'est ça qui fait notre différence. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix.